Eh bien, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Floodcast, le nouveau numéro, le 14e. Il n'y a plus de musique, c'est terminé. Mais il y a un montage, je te viens de te le dire avant qu'on enregistre. Ah d'accord, parce que la semaine dernière, t'avais mis la musique. Je te l'ai dit, en fait. J'ai pas écouté. Ça va être incompréhensible pour les gens, parce qu'eux auront la musique. Mais ils aiment ces petits, ces petits moments de quack. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas pu relier mon ordi, parce que, exceptionnellement, nous n'enregistrons pas chez moi, mais chez la colocation de ma meuf, donc chez ma meuf. Je possède 16 appartements à Paris. Donc oui, nouveau numéro de Floodcast un peu particulier puisque nous avons deux invités aujourd'hui. Adrien Méniel. Oui, moi je suis hyper honoré. Hein. C'est exactement comme j'imaginais. Employé, il n'a jamais été rémunéré. Hein, donc le terme employé, stagiaire. Le bon pote, c'est bon pote le terme que... Je dépannais, là je suis officiellement invité, je suis vraiment hyper content. Quoi. T'es invité sur Twitter en plus, tu l'as pris. Oui, publiquement. Publiquement, oui, mec, c'est ça qui est cool. Moi je te cache pas, tu vois, pour moi c'est un honneur que tu sois là. Donc il y a effectivement Adrien Méniel et également... Anthony Mirelli. Salut. Bonjour Anthony. Et Dan Gagnon. Bonjour Dan. Salut Flaubert. C'est moi-même. Tu as déjà parlé plus que les autres. Il a vomi en disant Flaubert. Il y a un truc dans le fond de la gorge. C'est normal. Juste une question. Pourquoi tu changes ta voix quand tu fais des podcasts? Mais ma voix ne change pas. C'est le micro qui fait ça. Okay. En technique, t'es vraiment pas top. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Oui, donc de Comedy News Weekly oui, c'est vrai que toi tu fais 17 podcasts. Moi je fais beaucoup de choses maintenant. Là, si tu veux parler des deux invités en même temps. Ah oui, oui. Ah, ça commence bien, super. Bonne ambiance. Non, mais on citait les trucs qu'on écoute, quoi. Ouais, ouais. Anthony et Dan, donc, qui sont sur Paris. Car Dan, tu joues sur Paris quelques dates. Ouais. La première ce soir, donc le 10 mars, on exactement. Est le 10, au Paname, petite salle que l'on trouve, vers République je crois. Et tu joues ce soir, mais donc nous ce sera le passé, le temps que je monte cette émission. Et c'est quoi les autres dates, histoire qu'on le dise aux gens? 17 mars, 20h et 21h15. Voilà, il reste des places. Au Paname aussi? Ouais, ouais, au Paname. Tu crois qu'il reste des places? Et ben voilà, vous pourrez en acheter sur le... Non, d'ailleurs, c'est au chapeau, c'est un truc comme ça. Ouais, tu dois réserver, mais c'est au chapeau une fois là-bas. Donc prenez du liquide, sinon vous avez l'air con. Moi, une fois, je suis allé voir Hakim Omiri et j'ai vraiment été con parce que, en fait, le Paname, tu dois payer ta conso, mais tu payes pas l'entrée. Okay. Mais t'es obligé de prendre une conso, quoi. Ils te disent, bah non, mais quand même, prends un coca. Et j'avais pas de monnaie. Et j'avais vraiment mon pote qui était au chapeau à la sortie. Moi, je suis genre, et ben non. Tu n'auras rien de ma part, je suis vraiment désolé. Il est très content d'avoir eu une Converse rouge de taille 43. Ouais, c'est ça, exactement ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, malgré nos petits différends qui nous opposent depuis maintenant. Parce que si vous n'écoutez pas Comedy News Weekly, malheureusement, je vous invite à écouter et vous vous rendrez compte que Dan et Anthony, principalement Daniel, sont extrêmement violents avec Adrien et moi, plus moi, parce que j'ai plus de choses, il y a plus de choses à dire. Oui. Parce qu'en fait, moi, vous me clashez, puis à la fin, vous dites, ah, quand même, il est pas mal. Hein. Et Flaubert, vous clashez, vous faites, ah, c'est vraiment un connard. Allez, salut, à la semaine prochaine. Je crois que c'est ce qui me fait le plus rire dans tous ces trucs-là, de faire, allez, on est quand même bons copains, et juste en prendre un, et juste rajouter le dernier truc en disant, mais putain, ils sont sérieux ou pas? Et je reçois souvent des messages en disant, mais sérieux mec, c'est pas cool, en plus t'as joué dans une vidéo de Flaubert. Ça n'a pas de sens. Les gens sont vraiment... Je fais jouer. Il a payé son aller-retour en train, attendez, quand même sur... on en reparlera un peu plus tard d'ailleurs, parce que j'ai ouvert un Curious Cat pour que les gens puissent poser leurs questions. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui parlent de ce bisbis, de cet équivalent La Fouine Booba du podcast. Moi j'avais tenté un Biggie Tupac, on vient de changer de catégorie déjà. Moi j'ai une humilité. T'es l'équivalent de La Fouine en termes de rap. T'es plus en Amérique du Nord là. On est en France. Et là c'est La Fouine et Booba, nos idoles. Est-ce que parfois vous écoutez le podcast Foodcast ou pas du tout. Quand vous en faites. Oui. Quand c'est vrai. Bon, vraiment, tu attaques sur un truc où le titre c'est Weekly de votre podcast. Et vraiment, ça c'est une des histoires. Vous l'avez déjà raconté dans votre podcast, mais qui me fait mourir de rire, c'est qu'à une époque vous étiez à Golden Moustache. Ouais. Il vous demandait des podcasts. Non, c'est pas ça qui est drôle encore. Parce que je connais la punchline. Et je... Non, non, mais c'est pas une punchline, mais l'anecdote est marrante. C'est qu'ils vous ont dit bon, bon, de toute façon, c'était déjà ils essayaient de vous mettre dehors via cette méthode, mais de vous dire. Oui, ils ont bien réussi d'ailleurs. Et via cette méthode, ils ont dit bon, bah, est-ce que vous pourriez en faire moins de un par semaine et que ce soit plus un petit événement de temps en temps, genre un par mois. Et vous avez claqué la porte en disant non, notre intégrité ne sera pas. Nous préférons continuer toutes les semaines gratuitement plutôt que de recevoir cet argent sale. Et depuis ce temps-là, on n'en fait pas un par mois. Bon, on en avait discuté en plus, je crois. Oh oui, mais on a vraiment notre raison de quitter, c'était vraiment celle-là. Fait, non, non, on va pas arrêter. C'est dans le nom du podcast. On va pas se trahir et devenir se vendre au grand capital. Voilà. Et donc du coup, malheureusement, il y en a un peu moins de un par semaine. Donc on fait exactement comme eux voulaient, sauf qu'on n'est plus payé par Golden Moustache. On n'est plus avec eux, donc on est des champions de la négociation. Vous pouvez nous engager, on a un side business. C'est quand tu fais, putain, j'ai trop de pognon, je trouve ça un peu honteux, comment je pourrais subtilement descendre de niveau social? Un petit coup de fil. Une petite négo. On négocie pour vous. En tout cas, bon, tout ça pour vous dire que donc si vous écoutez un peu l'émission, on a toujours une petite tradition en début d'émission, on fait un tour de table où on parle des trucs un peu art, pop culture qu'on a vu récemment et qui nous ont plu. Ce que vous faites un peu, vous, uniquement sur... Enfin, vous, Anthony, toi, tu regardes des trucs. Merci. Tu regardes des trucs et tu en parles. Là, on peut ouvrir ailleurs que la comédie, mais si vous avez vu des trucs récents, n'hésitez pas à nous en parler. Je commence par toi, Anthony. Est-ce que tu as vu quelque chose récemment dont tu ne pourras pas parler dans ton podcast? Fais un tour, je dois réfléchir. Je fais un autre tour. Ok, ouais, Adrien, est-ce que tu as vu quelque chose? Alors, écouté, alors c'est de tout, hein. C'est film, spectacle, musique. Oui, mais il y a peut-être des nouveaux. Je sais que c'est la première fois que je suis invité. Je connais. Alors, non, mais moi je joue en ce moment un jeu qui s'appelle RimWorld. D'accord. Alors, je vais essayer d'aller vite, ce qui est raté parce que j'ai dit trois fois la même syllabe. Et t'as fait une intro de. Ouais, ouais. Non, en fait, c'est. Pour ceux qui connaissent Dwarf Fortress, qui est un jeu. En gros, le principe du jeu. Ouais, je vais vite. À partir de maintenant, je vais très vite. Alors, je précise quand même que Flaubert est parti après avoir posé sa question. Je vais me chercher une boisson. Non, en fait, c'est un jeu. Le principe, c'est. Alors, le jeu est inspiré de la série Firefly, pour ceux qui connaissent. Et qui veulent plus de contexte avant d'aller vite. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'intéresse officiellement. Et ouais, en fait, on part avec trois colons, donc trois personnages qui sont écrasés sur une planète et qui ont des compétences spécifiques chacun et chacune. Et ensuite, il faut faire grandir. C'est un peu une sorte de SimCity, mais à échelle plus humaine, quoi. C'est-à-dire qu'on doit tout construire, tout gérer, et il y a une profondeur, c'est-à-dire que tout est. Il faut vraiment tout gérer. Et en fait, je me fais vraiment humilié par ce jeu depuis une semaine, vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment le jeu, à chaque fois, je me dis, bon, là, je tiens un truc quand même, une petite colonie pas mal. J'ai l'électricité, j'ai tout. Et il suffit qu'il y ait deux connards qui arrivent avec des flingues, ils butent tout le monde. Il y a un mec, sa jambe gèle avec le froid et tout le monde est mort à se terminer en 5 minutes, quoi. D'accord. Mais c'est. On y revient, quoi. Mais c'est. Voilà. C'est un très bon jeu, mais vraiment, je suis humilié régulièrement. Tu es un des rares qui ne joue donc pas à Zelda en ce moment. Non. Tout le monde joue à Zelda parce qu'on ne t'a pas offert de console, déjà. Voilà. C'est la première chose. On ne m'a pas offert la console. Mais qu'est-ce qui t'a. Parce que moi, je sais, mais raconte aux auditeurs dans ton petit. Bon, dans ton périple. Petite anecdote, ouais. Je sais pas si elle est ultra intéressante. Mais en fait, j'étais à la Fnac, hein, parce que placement de produit. Bah attends. Nous, tant qu'on a de la thune, tu sais. Et je vois qu'ils ont la Switch. Donc je me dis je vais l'acheter. Et en fait je leur demande s'ils ont Zelda, ils me disent non. Donc je dis je vais pas acheter la console sans le jeu parce que je vais avoir l'air con, quoi. Ouais. Donc je m'en vais sans la console. Et après plus tard je passe à côté d'une petite boutique et ils ont Zelda, donc j'achète Zelda. Mais ils ont pas la console. Et du coup maintenant j'ai juste le jeu sans la console. Et vraiment la console n'est plus nulle part. Même encore sur le chemin. Ah ouais, j'ai passé. Ouais. Elle est nulle part. Voilà, il faut attendre une semaine ou un truc comme ça, quoi. Donc mais j'ai un jeu sous plastique, je suis ravi. Tu peux jouer avec la console la plus puissante, Adrien. Ton cerveau. L'imagination. Pas besoin de t'en installer avec celle-ci. On peut vraiment se balader. C'est ce que je fais pour me masturber déjà. Ah mais j'y arrive plus. Ah ouais. Non, ah, c'est drôle, moi aussi, moi non plus. C'est fini. Quand j'étais jeune, j'ai l'impression, juste le son de la porte qui claque, donc mes parents qui quittaient la maison, j'entendais juste comme clac. J'avais une gaule d'enfer. Et je me disais, je peux penser à n'importe quoi. Et juste le fait de me dire, je peux penser à n'importe quoi, me faisait bander. Ah, c'est la liberté. Bah, on en revient à l'histoire avec Golden Moustache, quoi. C'est vraiment la liberté. C'est la liberté qui te fait kiffer, quoi. Et aujourd'hui, c'est... Et eux aussi ont claqué la porte, en plus. Voilà, en plus. Ça nous fait un peu le même effet, quoi. On est sur un truc... Waouh, je suis dans un jour sans fin, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, je pense l'explication de ça aussi, c'est que moi, l'Internet, la pornographie sur Internet, est allée au-delà de mon imagination. C'est peut-être ça aussi qui fait que, du coup, imaginer, ça ne fait plus rien, parce que je suis genre... C'est vraiment mieux sur Internet que mon imagination. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'imagination que nous. Quoi. Oui, c'est ça. Je me dis, putain, voilà des gens qui ont... Mais une fois que tu l'as vu, est-ce que tu peux reproduire ou c'est juste la première fois que tu le vois que ça marche? Non, mais moi, déjà, j'ai une maladie. C'est que si je dois imaginer... J'ai le cancer. Bon, ça n'a rien à voir. Mais je me trouvais que c'était le bon moment de vous le dire. Juste, on est quand même parti extrêmement vite. Mais ma faute, hein. Ma faute sur la masturbation. C'est vraiment ma faute. Non, mais parce qu'en fait... C'est une mini-parenthèse, on peut dire. Donc, on emprunte la mini-parenthèse de Comedy News Weekly. Juste un détail, Anthony, je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Ta gueule. Laisse Robert parler. Non, mais c'est... merde, qu'est-ce que je voulais dire en plus? J'ai oublié. Oui, c'est que moi, si j'utilise mon imagination, trop vite, je pense à ma daronne ou un truc, à ma mère ou un truc comme ça, en fait. C'est-à-dire que mon cerveau m'autobloque. Putain, c'est pareil pour moi. Tu vois? Dès que je commence à imaginer... Paf, je pense à ta main. Bah ouais, bien sûr. mais ça me bloque tout seul. J'ai besoin d'un support. Vraiment, visuel, on est tous très gênés, quoi. Mais c'est. Je le dis à chaque épisode, mais c'est vraiment un épisode de Friends, encore une fois. Où... Ah bah putain, on l'a mis dans bloqué, nous aussi, c'est ce truc-là. Ah oui, bah. Ouais. Un plagiat de plus. Si tu savais, quand on a sorti bloqué, le nombre de gens qui nous envoyaient. Bah, c'est un plagiat. Je fais, bah c'est quoi votre programme? Bah c'est deux gars qui discutent. Ah oui, oui, bah oui. Oui, bah du coup, effectivement, c'est un plagiat. Oui, mais Vous l'avez filmé, ouais. avec une caméra. Ouais. Ah, bah, voilà, par hasard. Super. Comme tout par hasard, coupe. Nous aussi. Vraiment, on a reçu une dizaine de gens qui nous disent bon, waouh, ok, les gars, bref, plagie. Ok. Bien joué, les gars. Anthony, juste un petit truc pour toi pour régler ce problème-là de masturbation. Il faut faire exploser ton DVD mental. Et il y a certains jeux, et c'est pas une blague, que tu peux jouer, qui te permettent de. Je suis habitué à tes théories, mais pas au regard d'Adrien. Il a vraiment foncé un peu les yeux en se disant attends, DVD mental. Non, parce j'attends que de voir. T'as les images mentales, t'as deux DVD mentales dans le cerveau. T'as celui que tu programmes, puis t'as celui qui est programmé par genre Jacques, qui vient de temps en temps, qui t'envoie un DVD, qui se casse. Ouais. Et ces deux images, tu sais jamais laquelle va être choisie par ton réalisateur mental. D'accord. T'as le contrôle du tien, tu dois casser le DVD de l'autre personne. Et ça, tu le fais un peu comme dans Ghostbusters, en surchargeant d'images weird. Moi, j'avais joué à un concours avec mon ex qui était « Comment tes parents t'ont créé ?» Et ça avait fini avec des trucs comme « Genre, ton père a éjaculé sur une photo de la Vierge Marie, il a planté un entonnoir dans ta mère. » Et quand tu penses à ces choses-là, ton cerveau, il brûle, il fait « Nope !» J'arrive plus à imaginer. Moi, même si tu peux me parler de ma mère pendant que je me branle et je suis au téléphone avec toi, ça va pas me... Déjà, pourquoi tu te branles alors que t'es au téléphone avec moi? C'est la première chose. Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, faire passer le temps. Oui, je comprends. Il a un forfait illimité. Lui, il a liberté directe. Est-ce que avec cette petite digression, Anthony, tu as eu le temps de réfléchir? Ah oui, parce qu'on fait. Je pensais qu'on faisait dans l'ordre. C'est ordre alphabétique. Tellement libre. Mais oui, mais t'as pas l'habitude. Je sais que c'est la première fois que t'es invité. Ouais, non, mais pardon, désolé. Ouais. C'est d'abord l'invité, ensuite les Anthony. Voilà, c'est ça. Pardon. Anthony. Oui, il y a la. Je voulais parler de la série. J'en ai déjà parlé, mais c'est la série basket sur FX avec Zach Galifianakis. Qui est pas drôle en tant que tel, mais c'est. Je sais pas si vous avez déjà vu. Ouais, mais moi j'ai pas trop accroché. J'ai vu 3-4 épisodes. J'ai détesté au début, et après j'ai repris, et là ils sont en saison 2. En gros, c'est l'histoire de Galifianakis qui joue un clown, qui rêve de faire l'école de clown à Paris. Sauf qu'il parle pas français, donc il comprend rien, il est nul, et il retourne dans son petit village faire un truc qui existe, que tu m'avais dit d'ailleurs, Dan, un clown de rodéo. Ah, totalement. Oui. Ouais, ouais. Je connaissais pas du tout. Ah, j'en ai vu à quelques reprises. C'est pas au haut de l'échelle sociale. Ouais, ben t'imagines ça avec la tête de Galifianakis grimée en clown. Et c'est super triste. Et ce qui est. Galifianakis joue deux rôles aussi parce qu'il joue son propre frère jumeau dans la série. Ah, mais il le fait tout le temps, ça. Moi j'avais vu un spectacle où il faisait ça déjà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais ici, il s'appelle Chip and Dale. les deux personnages. Mais ce qui est vraiment fantastique dans cette série, c'est que la mère est jouée par un comédien qui est méga connu, mais pas trop ici, qui s'appelle Louis Anderson, et qui est... qui joue une meuf sans qu'on pose de questions sur pourquoi, de comment, de, voilà. Et pas une meuf genre avec une perruque et il a quand même des cheveux longs, mais ouais. Je veux dire, il est assez dégueulasse parce que c'est un mec non mais il est obèse, Louis Anderson, ouais. Depuis des années il en parle souvent et ça se voit ouais. Et un autre truc qui est dingue, c'est qu'il y a une fille qui est amoureuse du personnage de Galifianakis, enfin, du clown en tout cas, et elle a constamment son bras dans le plâtre. D'accord. Et c'est jamais expliqué. Mais ça fait deux saisons qu'elle a un bras dans le plâtre. Et voilà, c'est assez spécial. Il faudrait que tu retentes, franchement, parce que c'est. Voilà. Et un autre petit truc aussi. Vas-y. Parce que moi, j'ai une Nintendo Switch, donc voilà. Je l'ai acheté. En Belgique, il en reste encore, du coup. J'en ai trouvé, un petit magasin. On a testé un jeu, juste dans le train là, avec ma meuf, qui s'appelle Snipper Clips et qui est super. Pas la meuf, le jeu. Ça. D'accord, ok. Et apparemment, on a emmerdé tout le monde dans le Thalys, mais. Et quel est le but, c'est t'as deux personnages et tu un personnage peut découper l'autre en fait comme du papier. D'accord. Donc quand tu croises des personnages, tu peux couper une partie chez l'un chez l'autre et du coup tu formes des formes et tu t'en sers pour mettre des ballons dans des paniers, des choses comme ça. D'accord. C'est très con, mais chacun peut détacher une manette et ouais. Chacun joue et en fait, je crois que c'est drôle parce qu'il faut jouer avec ma copine. Il n'a rien compris au jeu. Et donc voilà. Oui, du coup, tu t'adresses à moins de gens, là, pour le coup. Là, non, elle peut venir. Elle est disponible à la FNAC, non? Ouais, elle est là. Ok, très bien. Dan, est-ce que tu as vu, entendu un spectacle, un film, quelque chose récemment où tu t'es dit, tiens, ça, j'aimerais bien le partager avec mes contemporains? J'essaie d'en partager avec pas mes contemporains, c'était vraiment plus chiant. Oui, j'ai vu le special de Amy Schumer. Ah, moi aussi. Alors, moi, j'ai regardé 10 minutes, moi. Ah. Je l'ai regardé au complet. C'est bien qu'on en parle parce que j'ai des questions. Parfait. Je pensais ne pas avoir aimé le spectacle. Et le soir, j'ai vu quelqu'un et j'ai cité 5-6 fois des phrases du spectacle. Et je me suis dit, c'est pas que j'ai pas aimé le spectacle, c'est que j'ai détesté la façon dont elle l'a joué. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est insupportable. Ah, bah merci. Voilà. Ce alors... mélange entre Oprah Winfrey et Louis C.K. Et courte manche. Enfin... Oui, ouais, mais totalement. Mais toutes les vannes, c'est pas compliqué. C'est genre prémisse sexuelle, punchline entre surprenante et dégueulasse. Et puis, le même temps, pour faire une grimace et une pause, et à regarder le public figé, et t'entends le sous-titre écrit tout seul, « You go, girl !» Il y a Diven, alors. C'est quoi, il est court. Il est très court. Ouais, ouais. Et non, mais la grimace, moi, ça m'avait fait le même effet sur Louis C.K. est passé partout, le dernier sur Netflix, Comedy Store. Ouais, ouais. Et ça m'avait fait le même effet où je fais beaucoup de grimaces là quand même. Mais moi, je trouvais que, en gros, c'est ce que je m'étais dit avec Louis C.K. Moi, j'ai pas vu le tout dernier, mais je pense qu'on parle du même. Je m'étais déjà dit, il commence à faire un peu des grimaces. Mais en fait, bizarres. Non, il revient à ce qu'il faisait avant. D'accord. Ouais. Parce qu'au tout début, il faisait des cris et des bruits, des imitations comme ça. Ouais, ouais, mais moins, je trouvais quoi. Avant qu'il soit populaire, quand il faisait des blagues d'hélicoptère qui n'avaient rien à voir, quand il était tout mince avec qu'il était en costard. Mais il a remis le costard. Vieux truc alors. Vieux. Au tout début, en fait, c'est un mélange de ce qu'il a fait après la série Louis et avant, en gros, le Comedy Store. Mais moi, je ne connais pas beaucoup Amy Schumer de avant qu'elle explose avec son show sur. Enfin, son. Comment dire, ses sketchs sur Comedy Central. Inside Amy Schumer, qui pour le coup a beaucoup de sketchs vraiment très drôles. Oh oui, mais elle joue bien en plus. Elle joue bien quand c'est de la fiction, mais là elle joue de la fiction. Ce que je voulais dire en fait, c'est que là elle a un espèce de truc très Sarah Silverman, mais qui du coup lui appartient vraiment à elle, de vouloir être cute après avoir dit des trucs horribles, alors que je la voyais moins là-dedans. Moi je trouvais que justement ce qui la différenciait de Sarah Silverman, c'était d'être crade et de dire des trucs un peu gore et machin, et de l'accepter, et juste on n'en parle plus, on avance. Et là à chaque fois. Derrière, elle fait des espèces de « Oh !» et je fais « Oh, j'ai chié sur quelqu'un !» des trucs un peu comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu la série, c'est un dessin animé, Gravity Falls? Ouais. Oui. Tu vois le petit Gideon? Non, c'est attends. Le petit qui veut voler les pouvoirs de la ville. C'est un dessin animé fantastique, il faut regarder. Je ne m'en rappelle plus. Il y a un petit bonhomme qui fait des shows un peu de magie comme ça dans la ville. Il a une coupe en arrière à la Elvis. C'est un personnage vraiment méchant dans la série, mais il est mignon comme ça. Et alors, il met souvent son doigt sur sa joue. Coping m'a fait penser à ça justement. Amy Schumer fait beaucoup ça pour l'instant. Elle met son bras en bouche, elle fait un peu bébé. C'est vrai. Mais elle le fait surtout 627 fois mais sur le show. Ouais. Moi, je me suis demandé. Enfin, c'est ma copine parce que j'ai dit, mais c'est, qu'est-ce qu'elle fout quoi. Enfin, elle fait qui des grimaces. Qui a pas cité sa copine, toi. Non, mais qui m'a dit, qui est une théorie, je pense, valable. Elle est peut-être bourrée en fait quoi. Je me demandais si elle était pas bourrée quoi. Parce qu'elle faisait vraiment. Elle disait. T'as l'impression qu'elle après elle faisait. Pendant un quart d'heure quoi. Ouais. Je dis, mais on dirait quelqu'un qui sait pas raconter une histoire. Il y a vraiment un sketch qui est interminable. Et pourtant, Dieu sait que même dans ce podcast, on a beaucoup dit du bien d'Amy Schumer. On l'aime beaucoup. Mais il y a un sketch qui est vraiment long et chiant. C'est celui sur les armes à feu. Qui a une prémisse en plus où tu dis oh, intéressant. Parce qu'elle parle en fait des deux nanas qui se sont fait tuer dans un cinéma. Quand elles sont allées voir Trainwreck, en fait, il y a eu une tuerie aux États-Unis et un gars, un malade mental, a tiré, est rentré dans un ciné avec un fusil et a buté, a tiré sur des gens pendant la projection de Trainwreck. Donc elle parle de ça, donc d'un coup après 25 minutes de blagues sur le sperme, du coup t'as une petite ambiance qui se wow, c'est ça change. Donc le gars aux lumières, c'est à la régie, se dit si ça se trouve on va sortir, on va partir sur une nouvelle ambiance. Je vais changer les couleurs un peut-être peu. Peut-être on va enlever le cuir et mettre une robe, un truc. Et en fait, bizarrement, elle en fait rien de très intéressant. Elle fait juste, elle imite le texan qui fait hey girl et qui a des flingues. Et tu dis oh, c'est pas. Mais je pense qu'elle est tombée dans un. Je veux dire piège, mais c'est un peu prétentieux parce que je pense qu'elle est tombée dans aucun piège et qu'elle s'en sort très bien dans sa tournée de stade sans moi. Mais c'est une façon d'aller chercher encore du jus de punchline. C'est-à-dire que tu fais ta blague, les gens rigolent. Et tant que tu restes dans la même attitude, les gens peuvent continuer de rigoler. Et si tu refais une espèce de face plus intense, tu vas rechercher un petit rire. À chaque fois, c'est ça. Et quand tu écoutes la réaction du public, c'est ça. Elle va dire sa punchline, les gens rigolent. Elle fait sa face, les gens rigolent. Mais au niveau de l'écriture, c'est intéressant. C'est que tu écris une vanne et puis tu. Elle les sort le truc. C'est exactement ça. Elle les sort chacune des. C'est ça qui m'a vraiment agacé en fait. Et je pense que c'est un piège dans le sens que la première fois que tu découvres ça, au lieu. Parce que tous ceux qui commencent en général, ils vont trop vite. Ouais. Ils font leur van et ils enchaînent punchline, punchline, punchline. Et après ça, tu. Oh, quand je fais une pause, ok, ça laisse le temps aux gens de rire et tu peux enchaîner. Après, tu apprends. Oh, quand je fais une face, je double les rires. Ouais. Et t'as l'impression. Elle a peut-être pas eu le temps d'écrire aussi. Elle a fait beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Et elle se dit Netflix propose, je saute et je. Mais elle a l'impression comme elle peut, quoi. Mais elle était dans une grosse tournée parce qu'elle est passée par Montréal. Elle a joué là où le Canadien de Montréal joue, c'est-à-dire c'est un truc à 12-15 000 personnes. Elle a fait plusieurs Madison Square Garden, ce qui est une salle qu'il faut remplir. C'est pas le Paname un vendredi soir. Mais en fait, c'est ça qui m'a gêné. Et je pensais, je me dis vraiment, dans ma tête, je me suis dit plein de fois, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous? Et le soir, j'ai reparlé parce que ces idées, en fait, m'ont resté. Le gars qui, avant de jouer, fait « Ah, où est-ce que tu veux que je jouisse ?» et qui en fait des caisses pendant 10 minutes pour finalement avoir juste une goutte de sperme qui tombe sur sa main. Et ce que j'aime bien ce qu'elle dit, elle dit « Une seconde avant, t'étais l'homme le plus viril de la planète et maintenant, t'es juste le dernier enfant à la foire avec une glace qui a fondu sur ses doigts. » Puis elle dit « En plus, on dirait qu'il est un peu gêné, donc « They want a finger » print, il va te peindre avec les mains sur les seins, il fait « Non, non, you had your chance !» Drôle, enfin, c'est quand même un truc marrant, hein. Faut pas non plus... Nous on regarde plein de trucs et puis on est surtout casse-couilles, enfin, on a besoin de... Et il y a un autre détail, elle l'a joué dans un stade. Ouais. Le même truc, si elle le joue dans un comédie club, elle peut pas faire ça. Ouais. Tu peux pas jouer avec autant de poses, autant de mimiques, autant. Il faut le faire jouer dans un stade. À l'époque, il n'y avait pas grand monde. Il y avait Steve Martin et Dane Cook à peu de choses près, puis Eddie Murphy qui le faisait. Et c'est que des gens bruyants. Bigard en France aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est que des gens bruyants. C'est très dur de pas être bruyant et d'être dans un. Mais Aziz a fait ça aussi. C'était plus ou moins pareil en fait. C'est vrai qu'il grimaçait beaucoup le plus quand il était au Madison Square Garden. Il est bruyant. Une phase du spectacle où il y a presque, comment dire, enfin, il y a vraiment beaucoup moins de blagues parce qu'elle montre juste des photos de elle et sa sœur. Elle part du principe que maintenant qu'elle est un peu connue, il y a des paparazzi, sauf que elle, c'est pas intéressant quoi. Elle est vraiment en suite et elle s'en bat les couilles. Et donc il y a une espèce de phase où juste elle enchaîne des photos sur des écrans géants qui sont au demeurant très marrantes. Mais effectivement, si tu y vas pour voir un spectacle de stand-up et tout, c'est autre chose quoi. C'est que la phase est particulière. Après. En plus, ça dure 40 minutes, je crois. Enfin, tu vois, ça prend pas beaucoup de temps. Ça, Ah, sérieux, c'est si court que ça ? Ouais, c'est vraiment pas long. C'est vraiment pas du tout, pas très long. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut probablement dire que le montage. C'est sûr qu'elle faisait pas un stand-up dans un stade à 40 minutes. Ouais, tu crois ? Personne va payer pour aller voir. Tout le monde en aurait parlé. Ouais. Non, ou peut-être 45, hein, mais en tout cas, c'est moins d'une heure. C'est sûr, c'est moins d'une heure. Amy Schumer. 57, ils disent. Oh putain, mais avec l'intro, l'outro ouais. qui fait un bon 3-4 minutes au total. Ah oui, putain, donc 50 minutes de stand-up. Ah, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Non, non, mais ça m'a surpris aussi. Moi, je l'ai elle a écrit 2 films, 1 livre, je peux comprendre. Ah oui, non, mais c'est pas comme si elle avait glandé. Ouais. Elle a pas besoin de notre avis. Mais et le dernier HBO, ouais, il date d'il y a pas longtemps en plus. Hein. Il y a 2 ans, je crois. Ouais. Ouais. Par contre, le livre est très cool. Moi, j'ai eu la chance de le lire. Il est très intéressant et pas si drôle. Il y a des phases vraiment un peu genre. Assez glauque, un petit peu glauque. Ouais. Et je vous conseille le. Bah, je crois qu'il est pas sorti en France, donc faut le commander en américain. En américain. Par bateau. En américain des States. Si vous avez un oncle. Voilà, c'est ça. Si vous pouvez vous le ramener. Bah donc voilà. Mais donc c'est quand même sur Netflix et c'est pas. Enfin, vous pouvez tenter de le mater. Ça dure 40 minutes. C'est loin d'être horrible. Mais effectivement, c'est pas le meilleur Amy Schumer et c'est pas le meilleur stand-up qui est en ce moment. Moi d'ailleurs, sous vos conseils, j'ai maté Free Mics. Ouais, Neil Brennan, et ben c'est vraiment très bien effectivement. C'est un génie, c'est vrai. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Catherine Ryan. Ouais, Catherine Ryan. C'est ça j'ai pas vu encore. C'est... Mais Free Mike, j'explique juste vite fait pour les gens qui sont passés à côté. C'est sur Netflix également. C'est un gars en fait qui a 3 micros sur scène, comme le nom du spectacle l'indique. Et il y a un micro où c'est des one line, donc ce que fait un peu Dimitri Martin, c'est ça son nom. Ouais, yep. Voilà, donc des blagues en fait. Des tweets, on pourrait dire maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Des tweets, un micro stand-up où c'est plus de l'observation de la vie de tous les jours, dis donc, les feux, les machins, les trucs. Et un troisième micro où il parle vraiment de sa vie, où il y a un peu des blagues, mais vraiment très peu. Et surtout, il a une vie vraiment compliquée, quoi, dans la famille, avec la maladie, la dépression. Et il a des phases vraiment où il en fait de l'humour, mais où c'est super intéressant. Et le passage des trois, qui au début, tu te dis, oh, bizarre. Et ben en fait marche vraiment bien, c'est vraiment cool. Et donc effectivement vous l'aviez déjà conseillé sur Comedy News Weekly. Je suis entièrement d'accord avec notre avis. Je vous conseille de le mater, c'est vraiment bien. J'ai commencé à regarder et j'avais pas aimé, donc j'avais arrêté. Mais tu détestes tout. Je vais insister. C'est vraiment le hors de ta série de ce podcast. Si tu prends ma position, il me presse rien. T'as arrêté au bout de quoi? T'as été non, mais je sais pas, jusqu'au troisième micro. Au bout du premier micro, il n'a pas vu les 2 autres. Il n'a pas aimé le nom générique. J'ai regardé très peu. Non mais j'ai vu très peu quoi. D'accord. Mais je trouve que ces one line me faisaient pas marrer quoi. Ah non, les one lines sont pas ouf. Non, moi, c'est pas les trucs. Même le stand-up est pas dingue. Non, ça a l'air cool. deux micros sur trois, il dit de la merde. Non, c'est agréable à écouter, mais c'est pas le truc que tu retiendras quoi. C'est vraiment micro du milieu. Et c'est vraiment le stand-up, enfin ce que j'appelle moi et ma grande culture de la comédie, le stand-up d'auteur. C'est-à-dire que tu sens, il n'interprète pas beaucoup son stand-up. C'est beaucoup. J'ai des super théories, je vous l'ai dit très calmement. Mais ouais, il va pas se mettre à faire des persos, il va pas se mettre à faire des trucs. Il monte pas sur scène depuis très longtemps en fait. C'est, c'est un auteur pour Chappelle. Dave Chappelle. Mais je trouvais justement que c'était, il y avait un côté un peu deadpan, mais sans que le texte soit vraiment très drôle. Donc du coup, je crois qu'il est pas deadpan, c'est juste qu'il a aucune expression parce qu'il est mort à l'intérieur. Ouais, mais du coup, sa face sur la dépression, tu dis oui, effectivement, il est vraiment mort à l'intérieur, vraiment. Ouais, mais du coup, le résultat, c'est ça, quoi. Ouais. Et du coup, j'étais... Bon, mais je regarderai. Lui peut se branler en pensant à sa mère. Ouais, lui, il a le droit. Lui, il a une vie suffisamment compliquée pour se branler sur sa mère, quand même. À un moment, on a des... Hein, on peut avoir des raisons. Mais c'est comme en judo, la masturbation. Non, t'as des grades. Oui, bah t'as des ceintures. Ouais. Mais celles sont honteuses, personne les porte, tu vois. On les garde chez soi. En fait, c'est ça, les ceintures de marque. Les gens qui ont un gros genre Gucci ou un truc comme ça, c'est juste des ceintures de masturbation. C'est ça. Bah c'est comme ça qu'est mort David Carradine, hein. Il avait une super ceinture de masturbation et il en est mort. Hein. On dit non David, mais c'est ça, les vieux, ils portent leurs pantalons de plus en plus haut. Et c'est ce qui est arrivé à David. Il était tellement vieux qu'en mettant son froc un jour, il a fait oh. Ça lui a donné l'idée quoi. Wait a minute, comme le premier gars tout nul quand il y avait une brise dehors, il fait. Oh, ça a l'air sympa. Pourquoi personne ne m'en a parlé? C'est ça. Qui a fait ce sketch d'ailleurs qui est très drôle sur les gens qui s'étouffent en se branlant le après quand faut desserrer c'est les trucs? C'est Ricky Gervais. Ah, ça c'est très très drôle. Oui, c'est quand même c'est les trucs un peu chelous de sexe. Le après est quand même très difficile quoi. Ouais. Quand tu dois commencer à enlever la ceinture autour de ton cou et suivre le sperme avec le PQ, enfin tout est un peu triste. Je crois qu'il parlait de lui en fait. Ouais, sûrement, ouais. Sûrement. Parce qu'il est vraiment dégueulasse. Hein. Moi, le seul truc. C'est toujours les flashlights, donc les espèces de trucs avec lesquels tu te masturbes. Le fait de les laver après, c'est vraiment c'est chiant. Non, c'est vrai, j'en ai un. Hein. Okay. C'est vrai que c'est relou. Moi, ça m'arrive. Il y a du produit spécial où ils te disent alors non, faut éviter pour le laver ou ouais. Pour... Non, pour le laver. Non, en fait, juste tu passes sous l'eau quoi. Ah, parce que le matériau, je suis transparent. Hein. Bah mec. Comme mon flashlight d'ailleurs. Non, en fait, de temps en temps, c'est bien de le laver, je pense, ouais, avec un truc. Mais en vrai, le matériau est fait de telle façon que tu passes sous l'eau et... D'accord, ok. Est-ce que des fois, t'as envie de mettre une capote pour pas avoir à le laver après? Non. Parce que c'est déjà assez contraignant comme ça, okay, quoi. Ouais. C'est déjà, moi j'avoue, des fois je ferme des fenêtres à l'avance en disant comme, oui, là ça va, mais dans 5 minutes quand j'aurai fini, j'aurai pas envie de voir ça. Ah ouais, non, le après est toujours compliqué, hein. Il y a toujours une petite phase de... Tu vois, oui. J'ai encore fait ça. Ouais, genre. Oh là là. C'est quoi, j'avais du temps libre aujourd'hui. Est-ce que vraiment elle valait le coup? Non. Rarement je me suis dit après. C'était important que je le fasse. Fallait absolument que ce soit fait. Je crois que le pire, c'est quand je suis fâché contre moi-même parce que je trouve que mon orgasme était de mauvaise qualité. Je fais comme. Je suis nul. Ouais. Surtout... Moi, ça, oui. Ouais. Mais surtout, la honte, moi, jamais. Mais le côté, surtout... putain, j'ai bâclé, quoi. Ouais. Tu vois. C'est comme les changements de plan dans les pornos. J'ai pas donné ce que j'avais. C'est comme les changements de plan dans les pornos, quoi. Où t'es sur un truc où tu fais, oh, si je jouis sur ce plan là, c'est chambé. Et après, eh non, là ça va nulle part, la caméra. C'est la tête où est-ce que mec qui fait. Non, ou même, tu sais, les très très gros plans sur la pénétration où tu fais, mais là y'a rien. Ou sur le cul du gars, tu caches tout juste. T'as juste un peu les couilles, tu fais bon bah pourquoi avoir gardé ça, quoi. Moi j'ai pas, heureusement je n'ai pas joué dessus, mais moi j'ai même vu un gars qui à un moment. Arrête de filmer les gens qui baissent et se filme à poil devant un miroir et qui fait genre ah on fait c'est quand même une sacrée belle partie. Hein. J'étais là, c'est genre... un youtubeur. Ouais. Bon, en tout cas merci d'être venu les amis après ce petit tour de table. Dan, tu nous as pas con... si Amy Schumer, excuse-moi, pardon. Oui. Eh ben écoutez, merci à tous pour ce petit tour de table. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Oui, c'est très travaillé, c'est très surprenant. Les poteaux. Non, on va discuter. Je me suis dit, bon bah voilà, on a des gens qui parlent d'humour. J'allais dire toutes les semaines, un peu moins, mais qui en parlent assez régulièrement. Ça va, pas obligé de, on a compris. Quoi. Bah, ça dit, ça s'applique à nous aussi. Hein. Ouais, non mais. Nous, on parle pas trop d'humour, donc on peut se dédouaner un peu là-dessus. Non mais vous en faites. Oh, c'est gentil. Il a pas dit qu'on était drôle, ouais, il a dit qu'on faisait de l'humour. Mais moi je prends tout. Moi, ce qui ressemble vite fait à un compliment, je prends. Non, mais vraiment, c'était une question, vous en faites. Non, mais vous avez fait parmi les deux trucs que je préfère à vie dans la comédie, le sketch de l'Académie Frank Kim, le moment où c'est écrit vitesse réelle au début, et un mois de mes gags préférés à vie. Et je le montre à plein de gens des fois, et dans des moments où ça n'a rien à voir, je fais t'as déjà vu ce truc-là? Il fait non, et genre il est 2h du matin, t'es dans un lit, et la personne n'ose pas te dire non, tu vois. Mais pourquoi il n'a aucune vue, ce sketch? Tout le monde me dit, je le montre à tout le monde et tout. Mais moi, je recule. Mon sketch qui a le moins de vues. Je le laisse et je le recule juste au début, comme ça fait. Je veux pas. Et le bureau des rêves. Depuis, je trouve que t'as fort descendu. Oui, c'est une dégringolade. C'est une dégringolade. Mais c'est comment c'est si jeune. Il y avait le sketch si... avec toi après. Qui vraiment. Oh, et c'était la fin. Mais c'est là où t'as jump the shark. C'est là où on commence à faire des sketchs dans des jardins. Non, mais genre, en tu mets un accent pour que ce soit marrant et tout. Ouais. C'est un peu c'est quoi, c'est le début de sa période perruque. Non, le bureau des rêves, il y avait de la perruque. C'est vrai. Justine Le Potier a une perruque. Non, je voulais vous parler, donc du coup, humour, effectivement. Je vous propose d'ouvrir avec une citation de Victor Hugo. Allez. Qui a dit « Le calembour est la fiente de l'esprit qui vole ». Ok. Ce à quoi on pourrait répondre qu'une mouette qui chie, c'est marrant. C'est vrai. Que, du coup, c'est Victor un bon Hugo, gag. C'est un très bon gag. Et il aurait dû le foutre dans Les Misérables, ça aurait donné un peu plus de saveur au truc. Bah, quand Les même. Misérables, pas du tout drôle. Des fois, t'as envie de dire. Il aurait fallu que. C'est le director Scott, tu vois, Les Misérables. Il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui remonte un peu et qui fasse garde, Victor. Je sais que tu tiens à cette 8000ème page, mais. Non, mais c'est surtout. Oui, moi, je me dis, des fois, les gens qui. Enfin, les citations d'auteurs, c'est là et tout, peut-être qu'ils se disent. Oh les gars, sur la fiente de l'esprit, vous pouviez l'enlever. Hein. Gardez les trucs genre Les Misérables et tout. Ouais. La fiente de l'esprit, vous n'êtes pas obligé de le dire. Non, mais ça se trouve, il dit ça dans une soirée, c'est tout. Oui, c'est ça en fait. Il buvait un verre, il dit ça, puis il y a un pote qui fait arrête de noter chaque fois que je dis quelque chose. D'ailleurs, qui est-ce qui joue dans la comédie musicale des Misérables? Hugh Jackman. Garou, j'ai dit moi. Ah, oui. Garou aussi, il a joué. Mais Hugh Jackman dans le film, quoi. Ouais. Juste pour dire, tout se recoupe. Ah, bien sûr. Oui, humour, parce que voilà, donc vous en parlez beaucoup. Dan, toi, tu fais de la scène. Oui. Nous, avec Adrien, on écrit des sketchs et des trucs. Moi, je suis là. Et Anthony a un bonnet. Et Anthony, tu as une énorme culture de la comédie. J'allais dire américaine, mais française aussi, mais pas forcément. Mais tu hais tout. T'as pas le même rapport. Voilà, mais tu détestes tout ce qui se fait en termes de France. Mais non, non, on aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion d'en parler. Des gens ont posé des questions à ce sujet. Donc, du coup, on aura l'occasion d'en parler. Du coup, j'aimerais vous demander quel était votre premier rapport à l'humour. Alors, je sais que ça demande un travail d'introspection un petit peu, mais un espèce de truc où vous vous êtes dit hey, ça a l'air d'être un pouvoir, ça a l'air de. J'aime bien ce que ça provoque, ou même le premier truc qui vous a fait marrer, mais là, c'est un gros travail d'introspection. Oui. Mais en tout cas, un truc où vous vous êtes dit tiens, l'humour, c'est un truc cool. Qui sera le nom de ce podcast. L'humour, c'est un truc cool. Moi, le premier truc qui m'a fait marrer, c'est probablement ma mère qui faisait coucou. Oui, ah, oui, bah ouais. Qui, tu veux dire qu'il se cachait derrière les mains, ouais. Tu te demandais complètement fait, où elle était. Elle est disparue. Et d'un coup, je vous jure, la meuf, comme ça. Hein. Ouais. Bam. Elle revient. Je suis wow. Ah, ça, c'est fou. Ah non, c'était balèze. Fuck Miss Mère. Hein. Fuck Miss Mère. Fuck Miss Mère, right in the balls. Mais. Fuck Miss Mère sera un très bon titre de podcast aussi. Je vais partir là-dessus. Et il va t'endormir à distance. Tu veux commencer à faire la poule, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu. En fait, tu devrais provoquer, tu devrais disser Miss Mère. Ouais, pour voir. C'était vraiment balèze. Fais-moi dire des conneries dans le prochain podcast, chienne. J'ai envie. Mais ta mère, ouais. J'insulterai Miss Mère de temps à autre dans ce podcast. Donc mais, vous en prie, votre. Hein Miss Merde. Oh, oh. Je baisse ta mesmer. Oh, oh mesmer, c'est pas vraiment bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. C'est bon, vrai. On coupera. Après, on... non, après voilà, on vient d'en enchaîner trois. On pouvait pas demander non plus. Voilà. C'est d'ailleurs le nom de ma sextape. Oh, joli. On ne pouvait pas non plus. C'est pas juste la fin. Et le premier, moi vraiment, j'ai aimé faire rigoler, c'est parce que mon grand-père était malade et quand il rigolait, il avait l'air genre moins malade. D'accord. Et donc voilà, c'est pas super marrant, mais non, c'est mais ça. Tu as fait ce qu'on appelle une Jim Carrey. Jim Carrey raconte beaucoup ça aussi. Il okay. a fait ça avec sa, lui c'était sa maman, mais donc ce truc de vouloir sortir un peu les gens de. Et quand mes parents s'engueulaient, j'aimais bien faire des blagues pour qu'ils arrêtent de s'engueuler. C'est pas des, c'est vraiment. Ça marchait. C'est un super pouvoir. Oui, ben oui ça marchait en fait. Ah c'est chouette. Ouais. Donc les enfants qui nous écoutent, si jamais vos parents s'engueulent, c'est... une bonne blague, une bonne petite blagounette. Et n'oubliez pas les enfants, si vos parents divorcent, c'est de votre faute. Ah bah c'est uniquement. Ça c'est vrai, je comprends. Ils s'aimaient avant. Hein. Oui, ils s'aimaient avant. Vous êtes arrivés, vous êtes pas assez drôle pour recoller le dommage que vous avez vous-même provoqué. À un moment donné, jeune, c'est pas une excuse pour se dédouaner de toutes les responsabilités. Hein. Je suis complètement pas d'accord. T'as pas un public jeune, toi, de toute façon. Oh non, bah, tu sais. Adrien. Eh ben, moi, c'est un peu dans le même dans la même zone. Vous êtes un peu des Robin des Bois, vous êtes des gens au grand cœur, quoi. Non, mais moi, en fait, je m'attendais à un truc dans GPT, je trouvais ça chambé. Non, mais il y a après, sans doute ça. Mais... On non, a les Robins des rires. Non, le silence. Après cette vanne. Le premier du podcast, d'ailleurs. Non, en fait, moi, c'est j'avais un père qui n'était pas forcément joyeux 24 heures sur 24, mais qui était aussi... Le seul truc qui le passionnait un peu, c'était l'humour. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui écoutait toute la journée rire à chanson. D'accord. Et c'est lui qui m'a emmené voir des spectacles d'humoristes, etc. Quoi. T'as vu Coluche ? J'ai pas vu Coluche, j'ai vu Les Inconnus sur scène. Oh, pas mal. J'ai vu deux spectacles, je crois, des Inconnus. Mais avec on lui. Fait que deux, hein, je crois. Hein, de toute façon. Eh ben, peut-être vu les deux. Eh ben, je sais plus. C'est possible. Hein. Et du coup, c'était quand même une personne qui avait un carnet de blagues, mon père. Ah, il fait partie de ces gens. Voilà, il avait mais un toi carnet aussi, de blagues. Anthony, non, y a pas ça tu dans un podcast où tu disais quelqu'un qui avait un carnet de blagues qui écrivait ou qui disait j'ai une blague. Des gens qui disent ça, tu te souviens pas de tes propres podcasts. Aucun souvenir de ce qu'on dit dans le podcast. Nous, on vous a inventé en fait. On essaie d'oublier vraiment le plus vite possible. Moi, une fois que les gens me parlent dans la semaine de ce qu'on a dit, je fais non, attends, quelqu'un dans ma famille, tu veux dire Je sais pas, non, je me souviens de ça. Excusez-moi, du coup, j'ai coupé pour rien. Ouais, après moi, ça devait être un truc en disant quelqu'un commence en disant hey, j'ai une blague, tu fais je sais plus, je m'en souviens plus. Bon, excuse-moi, Adrien, je t'ai coupé pour rien, du coup. Donc il avait un carnet de blagues. Mais voilà. il les entendait où ces blagues, du coup? Bah, genre rire et chanson et tout. Je pense pas qu'il en inventait tant, donc ça devait être rire et chanson, Jean Roucas aussi bien sûr. Ouais, bien sûr. Et et du coup, je pense qu'une comme c'était un peu la seule chose qui l'animait un peu mon père parce que bon voilà. Je pense que c'était une façon de tu vois d'accéder à quelque chose chez lui quoi. Tu vois, tu pouvais te prouver un peu à ses yeux. Tu vois, il y en a c'était faire des études etc. Mais ça il en avait rien à foutre. Ouais. Mais genre être marrant. C'était le moment où, quand j'étais marrant, je sentais la fierté en fait chez mon père quoi. Et je pense que c'est un peu le truc qui m'a mis le pied à l'étrier quoi. Tout simplement. Voilà. Et c'est assez fascinant parce que en psychologie, ils disent que le rôle que tu as dans ta famille, donc la position que tu prends, qu'on te laisse ou que tu donnes, c'est ce que tu vas essayer de reproduire un peu partout dans ta vie ailleurs parce que c'est là que tu sens que tu as un rôle social et ça fait beaucoup de sens de ouais, se dire ouais. Genre, ok, ouais, quand je faisais rigoler, les gens allaient un peu mieux. Ben maintenant, je vais essayer de faire la même chose dans ma vie. Et tu te places toujours dans la position du mec marrant parce que ça devient ton identité. Pourquoi t'as pas une émission au Canada après minuit sur une chaîne locale où les gens peuvent t'appeler et tu donnes des conseils en lisant des cartes, en parlant de DVD manteaux et de ta position. C'est ça la moquerie. On m'a parlé de le concept de moquerie. C'est justement, ça, moi, c'est comme ça que je suis arrivé à l'humour. Ça simule les d'humilier. Non, mais c'est vrai. Non, quand non, t'insultes, mais... oui, toi, t'es en insultant les gens au premier degré, puis ils pensaient que c'était des blagues, t'as fait oh. Non, mais ma mère faisait beaucoup ça. Elle était très directe et beaucoup de malaise comme ça qui. Elle palpait le malaise. Elle palpait. Dire qu'elle palpait le malaise. Non, mais non, parce mais... que c'est une forme d'humour très rare. Voir les gens ne pas savoir réagir à. Non, mais quand on est en société, il y a des codes, etc. Et elle en avait un peu rien à foutre. Et quand ouais. tu vois les gens, la tête des gens, moi, ça me fait beaucoup rire. Et je le fais souvent. Mais ta mère a poussé la blague un peu loin, non? Elle a poussé. Mais t'excuses pas après, alors. Ah non, mais c'est intéressant aussi. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça. Le modèle parental. Il y a une private joke, je pense. C'est que ma mère est décédée. Ah, d'accord. Eh ben, quand... Salut. Ça tombe bien, mon père est décédé également. Désolé, et ma mère. Ça me fait pas rire. Mais parce que jamais. Mais non, mais ça par exemple, c'est un truc. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Voir les gens. Bon, ici, je pense un peu tout le monde s'en fout, mais voir les gens. Moi, j'ai fait assez de blagues sur mon père pour que ça me mette pas mal à l'aise, mais. Oui, donc voilà, c'est un peu ça. Mais non, foiré, tu l'attendais depuis. Je l'ai eu directement en tête, je fais non, non, non. D'un coup, il fait oui, mais funny. Fais, oui, mais ça se fait pas. Oui, ben, il va avoir des rires. Et je pense que c'est ça. Je pense que tu peux dire que t'es un humoriste quand tu t'es déjà mis dans la merde juste parce que le seul contre-argument, c'était oui, mais les gens vont rigoler. Ah, ça, ouais, ça, je suis complètement d'accord. Moi, c'est. Et même. La fierté, et je pense que c'est comme ça que se créent des gens comme Jérémy Ferrari ou Nicolas Bedos, c'est des gens qui ont encore ce kiff-là, des gens qui font « Oh, dis donc !» Moi, au lycée surtout, je faisais beaucoup d'humour noir, mais, et en fait, avec le recul, pas très drôle, hein. Enfin, c'était juste de l'humour de « Ah, la mort !» et « Ah, du racisme !» Mais ce n'en est pas vraiment, c'est du second degré, mais je fais genre « Je suis raciste et c'est marrant et je vais un peu loin. » Et parce qu'il y avait cette réaction où, en plus des rires, il y avait des oh le shock value ouais. Ouais. Mais je pense que c'est une phase. Moi aussi quand j'étais plus jeune quand j'y repense vraiment j'ai fait chier ma soeur. Mais moi j'étais convaincu que c'était drôle, je disais un truc à ma soeur, tout le monde rigolait, genre c'est bien marré. Puis à un moment donné tu fais non, t'étais juste un trou du cul. Ouais. Mais vraiment moi je me suis, l'année passée j'avais 32 ans, je me suis excusé un soir, je fais putain, faut que je te dise quelque chose. Puis j'ai repensé pendant 5 ans, putain, solide. Je te faisais chier quoi. Ouais. Et je suis désolé, je m'en suis pas... Le fait de pas s'en rendre compte n'est pas une excuse, mais le simple fait, tu sais que tu fais. C'est une excuse. Oui, mais c'est peut-être pas super valable, mais ouais. Quand quelqu'un dit ah, mais t'as, c'est pas super gentil ce que tu fais, puis quand on te répond, oh, c'est bon, ça va. Et c'est une blague. Ouais. Et, en général, c'est là que tu sais que t'es un trou du cul. Quand ton seul argument, c'est, oh, c'est bon, enfin, ça va. C'est là que les autres savent que c'est un trou du cul, mais la personne elle-même le sait pas généralement. Non, non mais c'est que très rare. Plus tard, ouais. Normalement. Et tu dis, bah, t'es pas, tu peux faire rire sans ça, toi. T'es pas obligé d'avoir une victime dans ce que tu fais. Bon, après ça, je viens de faire une blague sur Anthony, mais le... Non, mais là, c'est pas la même chose. Oui, là, c'est tu connais la personne. C'est pas, la même... c'est pas une attaque. Oui, puis en plus, c'était dans le... Je veux dire, c'est vraiment... Je trouvais ça marrant, c'est ça illustrait le point. C'est enregistré, de toute façon, mais sinon... C'est ça, il y en a d'autres. Connais. Dan a fait une petite dose d'image de tête. Je me dis, on est tous d'accord, donc le sujet est clos. J'espère que non, il n'y aura d'autres, pas de temps mort pour relancer. Bon, déjà, c'est un podcast audio francophone, donc il y aura des temps morts. C'est quand même le principe du podcast audio. Bouge pas. Intéressant, hein. Discussion sur l'humour. Meublé. Le bruit. Le son. Bouge pas. C'est un podcast vivant. C'est de l'ASMR. Ah. De la quoi? Ça, je comprends l'ASMR. Pas. Tu connais pas l'ASMR? Non? Alors bon. C'est des gros dégueulasses qui poussent dans tes oreilles. Ça me dégoûte. Ah, mais toi, en plus, ça t'insupporte. Mais toi, tu le fais à chaque fois sur Skype. Donc, je retire mes écouteurs. Sérieux? Mais oui, avant de commencer, tu fais ça, mec. Arrête avec le son. Je crois que tu m'entends pas. Ils font plein de petits bruits relaxants, genre. Non, quand le fait. Déjà, ils chuchotent. Je déteste ça, moi. Rien que ça. Tous, on va se détendre. Ça me crée. Ah, et après, ils font des trucs genre écoutez ce petit bruit. Et en fait, L'ASMR, c'est, je sais plus les initiales de quoi c'est, mais en gros, il y a des gens chez qui M, c'est pour merde, ce genre de mesmer. non, il y a des gens chez qui ces bruits-là, ou alors ça peut être aussi regarder, par exemple, Bob Ross, tu sais, le peintre là, ouais. Et ça leur fait une espèce de frisson de crâne, okay. Qui est proche de l'orgasme apparemment, quoi. Alors, il y a des gens à qui ça fait ça, quoi. ASMR, et vous me pardonnerez l'accent mon anglais. Accent, c'est Autonomous Sensory Meridian Response. Voilà, et c'est une espèce de frisson de crâne, et apparemment les gens ça les rend dingues, et c'est déclenché. De l'herbe à chat d'humain, on pourrait dire. C'est de moi j'ai ça avec les extractions. Je regarde Dr. Pimple Popper. Mais... D'accord. De quelqu'un qui perce des boutons et des trucs comme ça. Je crois que tu résous ton casse-tête. J'ai cassé mon truc. Voilà. Bah, c'est deux façons de le voir. et le fait de voir. Genre des gros cystes sortir. Oui, oui, oui. Moi, ça me dégoûte un peu. Moi, ça mais... me fait vibrer le cerveau. Vraiment, le côté gauche. J'ai la moitié du crâne qui vibre. À une époque, j'avais ça sur des gens qui détruisent des iPhones. Alors, je suis conscient que c'est vraiment un truc de bourge. Mais sur YouTube, les gens qui détruisent des iPhones avec 17 milliards de façons différentes. Ah, mais ça, il de... y en a un. Tu connais peut-être Techrax. Je sais pas, il y a plein de gens qui le font vraiment. C'est un imbécile qui met du mercure sur des iPhones. À chaque fois, il y a des nouveaux iPhones. Le principe est. Horrible, mais le fait, voilà, moi ça me détend de voir un iPhone se consumer de 17 façons différentes et de dire oh c'est marrant, la batterie tient encore, la batterie, ah bah ça y est, elle tient plus. Et je suis conscient que c'est vraiment un hobby moyen, mais vraiment ça me détend. Est-ce que tu t'es déjà masturbé là-dessus ? Non. Et maintenant que je l'ai dit ? Ça va être fait dans l'heure. Il reste combien de temps au podcast ? Une heure et demie. À un moment, faudra faire comme si de rien n'était. Mais donc, tu prendras le flashlight d'Adri, ce sera plus pris. Voilà, c'est ça. mais donc du coup, juste pour approfondir un tout petit peu, parce que... Attends, juste... Et toi, tu fais stupide bruit de bouche. Je fais non, t'inquiète. juste parce qu'autour de la table, enfin autour de la table, autour de ce bar, parce que nous enregistrons sur un bar, tel un peu des. Ouais, on est à Paris quoi, si tu veux, on a Paris, ce petit hein. côté, on a ici, ce petit côté Titi parisien. Ça serait pas banal. ah, ça va vite ici. Hein. Ah, bah ça, c'est mec. On sent déjà une énergie dans la ville. C'est un ping-pong. Et attends, on est vraiment sorti du métro, on a vu l'affiche de la loi du talon. Oui, de Sandrine de Saroche. On a été accueillis vraiment. Ah putain, oui, parce que pour les gens peut-être qui suivent pas votre podcast, vous avez une chronique. Il n'y a pas de peut-être. Peut-être la chronique vedette, j'ai envie de dire, oui. Un peu de votre émission, s'appelle La police du jeu de mots. Que moi j'adore, même je suis un peu infiltré parce que j'envoie beaucoup de photos à Anthony. Oui. Merci d'ailleurs. Oui, non, on te cite. Hein. Oui, oui, non, je suis cité et avec plaisir parce que je marche beaucoup dans Paris et dans Paris, donc on voit beaucoup d'affiches de spectacles. Et donc La police du jeu de mots, le principe, vous pouvez peut-être le rappeler vous-même. C'est si quelqu'un s'appelle par exemple Miloud et que son spectacle s'appelle Miloud mi-raisin, c'est un jeu de mots inacceptable. C'est un vrai truc ? Oui. Mais celui-là, il me fait rire vraiment. En fait, le problème, c'est qu'on se moque, mais des fois, je fais. Oh. Mais c'est comme tous les trucs dont tu te moques. Moi, j'ai beaucoup écouté, on y revient, La Fouine au second degré. Jusqu'au jour où j'ai payé 40 balles pour aller le voir en spectacle. Tu vois, il y a un moment, tu dépasses le truc. Ah, mais t'avais fait un truc, un test La Fouine. Moi je mets le début, il fallait deviner la fin de la punchline. C'était à hurler de rire. Ah bah il y a oui, une chanson qui est parfaite, enfin qui est pas la chanson, mais le clash avec Booba. Bien sûr. Sur YouTube, des fois je le remets. Bien sûr. Ça, bien ça sûr. Me fait hurler de rire. Son clash était de dire Autopsie 5, Autopsie 5, il dit je suis propriétaire, tu n'es que locataire. Ce qui était quand même un clash un peu stylé. c'est un clash de bourgeois. Oui, bah c'est ça, parce que lui à Miami, La Fouine est propriétaire, là où Booba n'est que locataire. C'était son clash. Ben vraiment, et t'as plein de gens ici qui font ouais, bien envoyé dans sa gueule de locataire cette chienne. Bouge pas, faut que j'aille payer mon loyer, je reviens. Sinon, je reviens sur Miloud. Moi, j'aurais appelé le spectacle Tiens, tiens, c'est Miloud. Mais là, du coup, l'affiche est toute trouvée. Tu refais le truc de Tintin comme ça devant la lune. Excuse-moi, est-ce que vous entendez le scribouillis de la note qui est prise en ce moment même? Et honnêtement, ça serait génial. Dans un an, tu te promènes à Paris, tu fais. Oh putain. Et là tu te vois, c'est une mise en scène de Flaubert. Fait l'enculé. Et ça c'était le meilleur truc jusqu'à dans la dernière police du jeu de mots. Des mises en scène par des rappeurs. Ah oui, le spectacle par Tommy Bugsy. Il y a un spectacle. Alors j'ai oublié le titre, ça en rapport avec la prison. Écroué de rire. Écroué de rire, ouais. Le spectacle s'appelle Écroué de rire. Mais en fait il y a le Tumblr, c'est la police du jeu de mots. Ah oui, allez sur le Tumblr.com ou sur le site. Parce que les images sont. Je vais le répéter parce que par là en même temps que notre pub. La police du jeu de mots avec un SMO.tumblr.com. Merci. Ou sur comedynewsweekly.com. Ouais, voilà, mais ils sont plus là-dessus, c'est mieux. D'accord. Et donc, il y en a un, c'est écroué de rire et c'est mis en scène par Stomy Bugsy. Ah ouais. qui a plusieurs carrières. Qui, voilà. Milou de Mireza. Et il fait le petit geste genre c'est dur à retranscrire. Je vais vous mettre une petite claque. Pour moi, c'est il fait genre. Ah oui, je suis Milou, moyen. Milou de Mireza, tu vois. Parce qu'il y a les petits traits de la main pour montrer. Genre, c'est comme quand tu mets un petit brocoli derrière quelqu'un pour montrer qu'il pète. Ah oui, bah oui. Ah oui, d'accord. Brocoli, ça ressemble à un brocoli. Oui, on veut pas vraiment. Oui, je croyais que c'était genre les gens dessinent un brocoli parce que ça fait péter. J'avais jamais vu ça, quoi. Et bah, Milou de Mireza, qui était un de vos meilleurs. Moi, j'aime bien aussi, c'est quoi, Myriam Casse-la-Barouque. Myriam Barouque dans Myriam Casse-la-Barouque. Apparemment, il est bon son spectacle. Mais ça n'empêche rien. Enfin, ah, non, moi, c'est Arnaud important Cosson. De le dire. Voilà, c'est ça. Arnaud Cosson, c'est le pire titre de l'histoire. Alors, pouvons-nous le rappeler? Tout est bon dans le cochon. Et sur l'affiche, il a un doigt en l'air. Et sur le doigt, il met son doigt dans le cul d'un cochon en dessin. Mais ça, il a changé l'affiche, apparemment. Pourquoi? C'est une excellente question. Et Myriam Barouque, elle a une bague ou c'est une bombe? Ah oui? Bah, le casse-la-barouque, quoi. Ah oui, bah, à quelque part. Il va pas avec ses points. Hein. Parce qu'à la base, c'était Myriam explose la barouque et personne n'a compris. Ah, ça n'a rien à voir, Myriam. Myriam. Mais allez! Myriam, s'il te plaît. Le chat pète tout. Il y a un chat présent dans. Bouge pas, on va lui mettre des brocolis. Non, mais donc très bien. Et ça, c'est vraiment moi une chronique que j'aime beaucoup dans votre podcast. Et apparemment, vous allez faire une tournée. Vous pouvez nous en parler. Oui, mais j'arrête pas de lui dire. On a même quelqu'un qui nous a fait une affiche. Parce qu'on dit on va faire la police du l'affiche. Jeu de mots en live. Donc la pas live du jeu de mots. où le C est comme barré par un V. Et on s'est dit que nous, tant qu'avoir. Au lieu d'avoir des mises en scène. Tu t'es dit. C'est fou. C'est ça. Mets pas tes conneries. Nous, on voudrait avoir des mises en scène plutôt qu'on n'arrivera pas à atteindre des rappeurs. Bien sûr. Donc, on veut avoir des mises en scène inspirées. Donc, nous, c'est une mise en scène inspirée de Passy. Bien sûr. Et donc, voilà. Et sur l'affiche, c'est Anthony en policier qui m'arrête et qui fait une tête genre... Bien sûr, les fameuses épaules en l'air d'humoriste. Épaules en l'air et puis après ça, coude vers l'intérieur, pompe vers le haut. les trois étapes d'une affiche comique. Ben oui, mais après... alors je sais pas si c'est défendre vraiment hein, ce que je vais dire, mais il y a tellement de gens qui font des spectacles comiques à Paris. Moi, ça m'a vraiment choqué. Il y a des affiches vraiment partout et des fois, il reste 7 ans les affiches. C'est-à-dire que moi... Tu parles de Vizorek ? Hein ? Non. Attends, à chaque fois que je le vois, Alex Vizorek, je dis « Sinon, il y a un nouveau spectacle qui arrive. » Ah, mais vous, ça doit être surtout en Belgique. Nous, il est vraiment considéré comme une énorme... Enfin, justement, nous, c'est notre petite... comment dire ? C'est ce Belge. C'est le Belge. Ah, mais il est célèbre. Non, voilà. Il est terrible. C'est juste que son spectacle dure depuis longtemps. C'est le même depuis longtemps. Nous, il y a une affiche à Paris sur un gars qui est dentiste humoriste. Oui. Et oui, je te jure, ça fait 5 ans qu'il y a son affiche. Elle change un peu. Mais c'est un nouveau spectacle, je crois. Ah bah, non, c'est il le revient. Même titre. Non, c'est le même titre. J'ai deux fois 20 ans ou je sais pas quoi. Non, oui, mais là, c'est machin vous redonne le sourire maintenant. Bah, oui, intéressant. Oui, mais c'était déjà un dentiste dans le premier. Mais il est dentiste, le mec. Oui, non, mais d'accord. Il va pas refaire 7 ans d'études pour faire un nouveau spectacle, putain. Avant, c'était j'ai deux fois 20 ans et maintenant, c'est machin vous redonne le sourire. C'est un nouveau spectacle. Je crois, ouais. Pardon. Et genre, il y a vraiment des affiches. Et quand tu vois, alors moi, je m'y connais pas trop en salle parisienne. Mais je crois que c'est des plutôt grosses salles, tu vois, et tu te dis, bah, ça doit marcher. Intéressant. Je me demande si les gens se disent, eh. Intéressant. J'ai juste envie de trouver des jeux de mots pour ces nouveaux spectacles. Bah, avec des dents, bien sûr. Avec les dents. J'ai une dent contre vous, je pense, ça c'est important. Une dent contre vous. Mais moi, je t'avais fait une affiche. Duo Gagnon. Duo Gagnon, où il y avait deux fois Dan. Comics en MS, évidemment. Ouais. Ah, je suis pas sûr. Non, j'avais parce que Comics sur MS c'était. C'est devenu une un peu blague trop... facile, c'est ça. Ouais, j'avais pris une autre fonte. Hein. Qui donnait plus. Dégueulasse, mais. Oui, qui donnait le même effet. On est d'accord. Ouais, ouais. C'était juste pour dire que c'était pas Comics sur MS, ouais, ouais. Mais l'effet recherché était le même. Ça, ouais. Non, c'est pas une pute, c'était une escorte. Oh bah ok. J'aimerais aussi vous parler de parce que mine de rien, il y a autour de la table des gens qui prennent quand même l'humour très au sérieux. C'est-à-dire que c'est. Non. Non mais. On n'a pas d'autre boulot, nous. Non, mais et du coup, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes mis à vous intéresser à ça, genre au. Comment. À vous dire, tiens, cette blague me fait rire, tout le monde s'en fout. Enfin, grande partie des gens se disent, bah ça me fait rire. Ils vont pas commencer à se dire, mais pourquoi est-ce que ça me fait rire cette blague en quoi elle me touche? Pourquoi ça me déclenche ceci? Pourquoi ça me déclenche cela? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire? Est-ce que vous êtes dit c'est une sorte d'art à part entière? Est-ce que vous avez eu envie de comprendre les ressorts en vous disant ah mais ça se trouve c'est comme n'importe quel truc qu'on peut apprendre et du coup si j'apprends les mécaniques de tel truc je pourrais peut-être moi-même les réutiliser voilà. Oui, il y a plusieurs facteurs. Le premier c'est un syndrome Asperger d'Asperger où t'essaies de tout décortiquer. Le deuxième, je crois que c'était le... Je trouvais ça insultant que l'humour soit considéré comme une sous-forme d'art. D'accord. Moins crédible que l'autre. Et le troisième, ça m'insultait aussi un peu d'entendre des humoristes dire que « Ah, mais l'humour, ça s'enseigne pas, tu l'as ou tu l'as pas. Mmh. » C'est pas parce que toi, tu comprends pas ce que tu fais qu'il n'y a pas de technique derrière ce que tu fais. Ouais. Et mais tant mieux, si tu le comprends pas, c'est que tu es un génie, tu le fais, et c'est tant mieux pour toi. Mais ouais, non, c'est mathématique. Et c'est les, je crois que c'est les, vraiment les trois facteurs ensemble, en disant si tu fais n'importe quoi, ça va être traité n'importe comment. Puis j'avais envie d'apprendre, voir comment ça marchait. Je trouve ça fascinant de voir à quel point la réaction que tu provoques à distance, c'est vraiment, c'est comme tu chatouilles quelqu'un, c'est le même effet. Non? Ouais. Mais si tu dis un mot avec ce truc-là et bam! Tu fais rire. Je trouve ça fascinant, la réaction à distance. Comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, souvent que les gens qui en tout cas, sont drôles dans la vie, ont commencé, quand ils étaient au collège ou au lycée, à répéter des humoristes qui les faisaient rire et, ou à répéter des trucs. Et à force de les répéter, t'as un peu le mécanisme en tête de la blague. Ouais. Et après, tu fais un peu tes propres blagues avec le même mécanisme. Et c'est comme ça que tu te formes aussi un peu... ta culture. Et ton timing comique aussi. Bien sûr. Parce que dire des choses drôles, ça va, mais si t'as aucun timing comique, la meilleure des blagues, c'est... C'est sûr. Bah, nous, avec Adrien, qui faisons... même vous, d'ailleurs, vous avez fait une série presque normale, dont on pourra reparler. Et effectivement, nous, quand on se rend compte très, très souvent que le montage, par exemple, l'écriture presque la plus importante, en fait. Parce que même la blague la plus facile à l'écrit, où tu sais la plus efficace qui peut que marcher, tu peux la niquer au montage, quoi. Totalement. Et à côté de ça, un truc moyen drôle avec la bonne coupure au bon moment, tu peux récupérer tout le monde, quoi. Tu réécris vraiment ton sketch à fond. Et c'est pour ça que tu peux pas dire tu dois laisser le plus de temps pour le montage. Tu peux pas faire c'est très bien. C'est tellement frustrant parce que tout ton travail, tu peux niquer avec une demi-seconde de cut raté. Complètement. Et en plus, le montage, ce qui est chouette, c'est que tu peux chercher différents timings où une blague peut... Moi, c'est ce que je trouve fascinant. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je monte mes sketchs. C'est ce que je trouve ça fascinant, en fait. Je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir s'amuser avec ça. Il y avait un rire là, je l'avais pas vu. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, je trouve la scène... moi, je sais que je pourrais jamais en faire mon métier parce que c'est ça que je trouve terrifiant. C'est que tu peux tu vois, enfin, faut l'avoir en tête, quoi, le rythme. C'est vraiment comme un concert, en fait. Enfin, faut vraiment faire le truc au bon moment. Et moi, j'aurais trop. Enfin, je trouve ça. Je trouve que c'est pas tout à fait pareil parce que tu rebondis sur un public. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Oui, parce que le concert, tu dois faire la bonne note au bon moment, mais le public, tu vois son rythme à lui et ce qui. Tu sais quand le puncher et quoi faire. Donc, au début, c'est pour ça, au début d'un spectacle, si tu loupes le premier gag, c'est un peu chiant. Mais si les deux, trois premiers gags ont fonctionné, après ça, tu comprends le rythme du public et t'as pas besoin, toi, de penser toujours au timing. Tu fais juste répondre à ce que lui te donne aussi, je trouve. Et pour répondre à ta question de début en disant comment tu t'intéresses à ça, moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, je regardais quasiment tous les jours le Daily Show. Et ça me fascinait de me dire. Parce que le Daily Show, c'est souvent drôle du début jusqu'à la fin. Et peut-être on le rappelle vite fait pour au cas où, les Daily Show. Daily Show, c'est une émission sur Comedy Central. Comedy Central, ouais, présenté par... Qui parle de l'actu un peu, voilà. Ouais, par Jon Stewart à l'époque et maintenant Trevor Noah. Et c'est drôle du début jusqu'à la fin. Et ils ont en plus de ça un point de vue. Et il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Il y a une répétition, je ne sais même pas. Probablement juste une répétition avant en vitesse. Et puis, c'est face à un public et voilà, quoi. Mais... il y a un côté de comment ces gens pensent en salle de réunion. Bon, ils sont plusieurs à écrire, mais qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sortent de là? Comment fonctionne leur cerveau? C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas des gens comme tout le monde, quoi. Quand tu commences à lire des bios d'humoristes, justement, tu vois très bien que ces gens-là ne réfléchissent pas comme non, mais c'est pas péjoratif, mais ils réfléchissent pas comme les autres, quoi. C'est fou. Non, bien sûr. T'as l'espèce de recul facile, tout le temps qui, des fois, est un peu chiant parce que moi, j'ai beaucoup de mal à être dans une soirée et juste d'en profiter. Ah, pareil. C'est quasi impossible. Donc, tu vois tout le monde qui s'amuse et je suis un peu jaloux. Moi, des fois, je regarde le foot, c'est pas une blague, juste pour regarder les spectateurs. Parce que le spectateur qui est au premier rang et qui est peint aux couleurs de son équipe, lui, il kiffe et il pense à rien d'autre que le moment présent. Et franchement, des fois, je regarde juste parce que ça m'apaise de voir ça. Quoi. D'ailleurs, le mec qui est peint aux couleurs de son équipe, je pense qu'il a le même phénomène que celui de la branlette étranglée quand son équipe a perdu et qu'il quitte le stade. Il revient, il est maquillé, il est genre putain de merde. Que là, je suis malheureux et maquillé, quoi. Ça a aucun sens, tu vois. Ça a été le match. Dans le métro, il demande ça a été le match. Le moment où il se démaquille, c'est comme le moment où il nettoie sa flashlight, toi. C'est ça. Et qui voit sur le lavabo le drapeau disparaître. Et dans un plan, c'est ça qu'on a vu le même plan. Shooté de haut et qui. Tu fais au revoir mes rêves. Au revoir mes espoirs. D'accord. Adrien, toi, tu as eu ce truc aussi de... Parce que nous aussi, moi, je sais que mon premier rapport à la comédie, en me disant putain, c'est quand même fort, c'est un pouvoir et tout machin, c'est évidemment juste avec des trucs très populaires, très classiques, très français. Pas moi aussi. On le vanne beaucoup ici via notre jeu, mais Jean-Marie Bigard, on a tendance à oublier que c'est un des, en tout cas, un des plus connus à avoir fait du vrai stand-up en fait. Ouais, quand le mec bourré, quand il fait les expressions à la con. C'est de l'observation et c'est du stand-up. C'est pas et des personnages. C'est pas des personnages. Ouais. Il jouait très rarement. Il jouait quasi. Au début, il faisait ça, genre quand il faisait la photo de truc très à la Pierre Palmade. Quand il faisait la classe. Oui, voilà, c'est ça. Quand il faisait le sketch de l'extraterrestre avec la gaffe, je vous invite à le regarder sur YouTube, c'est excellent. Non, mais c'est vrai qu'avant, au début, Bigard, il faisait ce truc un peu à la Pierre Palmade, genre pardon, Véro, que je. Et toi, la salle de bain, pardon. Voilà, où tu parles à quelqu'un qui n'existe pas en répétant ce qu'elle vient de dire pour qu'on comprenne. Et après, il a fait effectivement un truc plus stand-up, à savoir de l'observation basique et tout. Bon, après, il est parti principalement sur le trou de balle et la tub. Qui est toujours efficace. Hein. Qui a toujours. La chatte aussi. Et un peu la chatte. Ouais, je te trouve un peu réducteur. Ouais, il n'est pas sexiste. et après, voilà. Donc, et aussi, ce qui est arrivé d'Internet, mine de rien, a quand même aussi beaucoup ouvert à. Mon Dieu, il se passe plein de choses. Le câble aussi, moi je me souviens d'une époque de comédie qui passait en VO-titré, déjà à l'époque, en 24 heures après, David Letterman. Ou le SNL. Ouais. Et ils diffusaient ça. Mais Netflix, ça va tellement être merveilleux. Ça va tout changer. Et c'est ça, ceux qui ont 10-12 ans aujourd'hui qui s'y intéressent, ils partent avec la même base que tout le monde. Bah, surtout là. Netflix qui l'a fait un stand-up par semaine, je crois. Semaine ouais. C'est semaine. Ah putain. Mais c'est un peu trop. Ça, on a parlé un peu la semaine passée dans le podcast. C'est beaucoup quand même. Hein. C'est plus que des comédies News Weekly, quoi. Non, mais il y a vraiment une forme de lassitude. Oui, mais je pense que leur but, c'est de booster un catalogue plus que de. Tu vois, de demander quand tu prends ton abonnement à Netflix, tu te fais OK, qu'est-ce que je peux regarder en stand-up? Est une liste de fous. Non, et puis après, les gens s'y désintéresseront. Enfin, à une époque, tout le monde voulait son special HBO, et puis maintenant, bah, c'est Netflix. Enfin, les choses évoluent un peu. Canal Plus en France avait tous les films à une époque, et maintenant, les choses changent un peu pour Canal Plus. Et par un peu. Donc, non, je pense que c'est une. Mais effectivement, et puis en plus, nous en France. Enfin, je dis en France, sûrement dans d'autres pays aussi, mais en tout cas en France, on le sait. Il y avait aussi des trucs du bon, bah on reprend un peu ce qui se fait aux États-Unis, certaines blagues, certains trucs et tout. Ça va être plus compliqué maintenant. Ouais, forcément. Mais c'est juste le terrain de jeu est commun. Oui. Moi, j'ai des animateurs télé qui se sont fait une carrière parce que sur des chaînes musicales au Québec, parce qu'il y avait MTV par satellite. Ouais. Et donc, c'est parce que quand il n'y avait pas Internet, eux, ils checkaient MTV, ils prenaient toutes les news. Puis après ça, il disait OK, il se passe ça avec un tel. Mais c'est pas. Mais c'était un relais de l'information. Presque. C'est pas plus stupide que d'aller sur Internet chercher des news. C'est juste que maintenant, l'information arrive à tout le monde en même temps. Donc tu peux pas. Ouais. Il y a moins d'intérêt à être le premier à dire quelque chose. Parce que... Mais même pour les blagues, il arrive un événement d'actualité. Avant, tu pouvais attendre 3-4 jours. Puis t'avais là, tu faisais des bonnes blagues d'actu et c'était marrant. Ouais. Maintenant, il y a un truc d'actu. Quand t'entends le bruit de la cavalerie qui débarque dès qu'il y a un mort, quoi. Sur Twitter. Un tel est mort. Sur leur oiseau. Oh, il est bon. Oh, ils ont fait un mime. Les frères Taloche, ils ont fait un truc à deux, c'était vachement bien. Et le high five obligatoire. Ah, oh, on l'a bien entendu. Ouais. Ça me fait plaisir. High five en comics en MS. Quand même deux pros du podcast. Oh, bah, attends. Enfin, un invité et un un host. Non, mais c'est vrai. On devrait faire notre propre podcast. Mais oui, faisons-le. Parce qu'on voit bien c'est qui le. Qui mène la barque, la barouque, qui mène la barouque. Myriam mène la barouque. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Barouque à frites, il a bien joué en Belgique. Hein. On l'avait déjà barouque fait. Barouque à frites, barouque Obama. Il y a moyen. Oh oui. Comme barouque à frites. Ouais. Barouque Obama, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Il faut pas. J'aimerais qu'on ne passe pas sous silence. Ouais. Barouque Obama. Barouque Obama croque les élections américaines. Je le produis. je le produis déjà. Oui, non, et j'avais une dernière petite piste de réflexion. C'était que, quand même, j'ai l'impression qu'on aime quand même bien l'humour quand il y a un petit plus avec. C'est-à-dire que c'est pas juste des blagues efficaces. J'ai l'impression que nous tous autour de ce bar, toujours un peu bizarre comme phrase, nous tous autour de ce bar. On remercie d'ailleurs le Wonder Woman Bar. Ah bah écoute. Dans le 8e à Paris. Ouais, j'avais cru que t'allais dire l'adresse de chez ma meuf et j'aurais fait oh, c'est quand même dommage que t'es en train de faire. C'est en train de gâcher un peu le rythme. Non, oui, que ce soit. Enfin, je sais que par exemple, Anthony, toi, tu es très fan du SNL. Ouais. Et enfin, tu n'es pas le seul. Hein. Enfin, moi, je kiffe aussi. Donc et... le petit plus étant pas de chute. Non, mais c'est une fois qu'on a compris la punchline, qu'il nous reste quand même 6-7 minutes de sketch. C'est dommage, une fois que t'aimes bien un sketch, de le voir s'arrêter comme ça. Non, mais on a quand même chié sur SNL et Amy Schumer en tant que vraiment. En tant que no fucking buddies. Non, mais plus sérieusement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est comment, comment tu fais. Comment tu fais ce genre de show, quoi. Ouais. Ouais, non, mais oui, c'est, on vanne, mais. Ah bah c'est hallucinant. C'est ouais, mais en fait, ouais. SNL, bizarrement, tu peux adorer un épisode sans rigoler. Parce que ouais. Tu fais comme, ah putain, moi, bien joué. Ben oui, c'est ça. C'est... Oui, je fais plein de vannes avec toi en disant que moi, c'est pas marrant. Mais... Et cette année, je trouve qu'ils sont particulièrement intéressants. Pas le dernier en date qu'il y a eu avec Octavia Spencer, qui était, je crois, le pire qu'ils ont fait depuis 10 ans. Mais, ah oui okay, c'est bah, une catastrophe. Carrément. Mais, oh, je n'y vais pas de la main morte. Tu n'y vas pas avec le dos de la main morte. Ouais, c'est les coulisses de ces choses-là, ça me fascine, quoi. Oui, et puis le SNL, effectivement, quand je dis ce petit plus, le SNL, ce que tu cherches, c'est ça va être les... quasiment les seuls à faire un sketch aussi vite sur l'actu. C'est-à-dire que quand il se passe un truc... Et aussi long. Non, mais quand il se passe un truc, bah, que ce soit, je sais pas, les emails de Clinton, enfin, j'essaie de trouver des trucs un peu américains, d'un coup, oui, tu te dis, qu'est-ce que va faire le SNL de ce truc-là. Et il reste plus beaucoup de choses. Moi, j'avais ça avec Jon Stewart et j'ai ça avec John Oliver maintenant. Moi, John Oliver, j'aime bien aussi. Ouais. J'aime bien, mais je pense que le petit plus, je changerais juste un truc, c'est pas tant le petit plus, je cherche à ce que ce soit le plus quelque chose, parce qu'en soi, Mitch Hedberg, qui est mon préféré à vie, avait pas grand chose d'autre que de la one line. D'accord. Mais il était le plus. Tu vois? Mitch Hedberg. Ouais. Ben, en fait, personne n'est aussi tour Mitch Hedberg que lui. En fait, oui, au final, bizarrement, c'est assez logique ce que tu dis. Mais, mais c'est ça, mais tu vas regarder si tu prends. Tu vas pas regarder 11 sketch shows, mais tu vas regarder celui qui est le plus quelque chose pour toi, le plus rapide, celui qui va le plus loin ou celui qui est le plus avec un sous-entendu politique, un truc comme ça. Et je crois qu'il y a tellement de produits. Ça s'applique pas trop aux sketch shows, je trouve. Toi, tu peux regarder plusieurs. Tu peux regarder plusieurs. Tu peux regarder Kroll Show parce qu'il fait des personnages loufoques. Tu peux regarder Kim Peel parce que c'est juste de la tuerie du début jusqu'à la fin. Ouais, mais ça, il y en a qui. Amy Schumer parce que c'est un bon argument. Non, mais c'est vrai. Amy Schumer, c'est plus parce que voilà, elle a des bonnes façons d'aborder les problèmes liés aux femmes et le. Ils ont leur identité, genre de choses. Oui, voilà. Il y a plus une voilà. Mais je pense que c'est ça. Tu vas pas prendre le deuxième et le troisième meilleur d'une quelconque catégorie. C'est l'avantage d'un marché super segmenté. C'est si t'aimes quelque chose, tu peux aller à fond dedans. Et d'ailleurs, si t'aimes quelque chose, tu peux aller à fond dedans. Titre de ta sextape. Je t'aide de rien. Bon, je tiens écoutez... à dire, parce qu'on le dit souvent dans notre podcast, mais juste, c'est pas une blague à moi, évidemment, je sais que c'est dans Brooklyn Nine-Nine. C'est... Oui, bah oui, c'est bien un hommage. Bah, c'est un hommage. T'es en train de rendre hommage. C'est pas Flaubert qu'il faut dire ça. Oui, c'est ça. C'est un peu ton Kevin Smith, tu as envie de me dire. T'as envie de me dire, ça serait pas le nom de ta biographie. T'as envie de me dire. Non, et c'est toi qui interview d'autres gens dans ta bio. Oh, le gars qui prend pour le jeu d'après. Quel impact j'ai eu sur ta vie. Ah ça c'est la c'est une très bonne idée de bio. Tu vas voir tous les gens que t'as croisés et tu dis bon alors en quoi j'ai un peu changé ta vie. Et c'est que des chapitres de off. C'est juste off trois petits points. Tu dis non, je n'ai pas le temps. N'a pas répondu à notre appel. Moi le Louis C.K. français. En quoi j'ai changé ta vie. On va passer à une nouvelle nouveau petit sujet. Tu veux peut-être des jingles de ce podcast. Non vous inquiétez pas je fais tout ça en montage. Non mais bouge pas j'en ai un. Dans le Floodcast, on parle de tout. C'est un beau mélange, comme un bol de M&M's. C'est bien. Mais non. Vous trouvez ça drôle une fois, mais moi je suis coincé avec après. Non, ce qui est pas drôle, c'est qu'il s'est pas lavé les mains en revenant du métro et il a vraiment mis ses doigts partout dans le bol. Il y a un petit coup alors qu'en plus, c'est des M&M's américains. J'ai pris ça à l'aéroport de New York. Donc ça n'existe pas en France. Hein. Mais le name dropping ne s'arrêtera jamais. Mec. Mais ils sont bons. C'est... Il y a du beurre de cacahuète dedans, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, et pas de cacahuète. Exactement. J'étais en tournage avec Gad, Elmaleh. Oui. Et on a acheté... C'est vrai en plus, et, non? Oui. Et on a acheté des M&M's. C'est quoi cette histoire? Non, on aura l'occasion d'en parler. Bah, c'est quand même. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Tu peux t'en parler maintenant? Non, c'est dans les questions. Donc du coup, je. Putain, ce podcast va jamais finir, quoi. Mais si, là. Il reste 30 minutes, t'inquiète pas. Je sais que t'as besoin d'une sieste, parce que moi j'ai reçu un mail effectivement qui me disait de mon équipe. Dan a besoin d'une sieste. Ça Dan fait vraiment un truc de truc. Ah, il faut quand même dire aux auditeurs qu'on m'a dit est-ce qu'on pourrait pas enregistrer dans la chambre d'hôtel de Dan. J'ai fait, écoutez. Par principe, je peux pas dire oui. Vraiment. Ça serait plus simple, mais va chier. Mais c'est un truc de fainéant, c'est pas un truc de star. Oh, pour du coup, moi je fais ça chez moi. Je te connais. Ma fête d'année, je la fais sur Skype cette année. Moi. Non, mais surtout que moi à la base j'étais genre, oh putain, dans une chambre d'hôtel un peu chambée. Puis en fait, on me dit l'hôtel Mercure. Je fais, oui, bon bah voilà, non, on va faire ça quand même. On est arrivé en deuxième classe, en Thalys. Pas en bus, en Thalys, mais en deuxième classe quand même. Donc, on va passer. Je tiens à souligner mon manque de couilles parce que la personne à côté de moi téléphonait et j'ai fait la pire chose qui existe quand t'as téléphoné, ça me dérangeait un peu. T'as toussé? Non, non, c'est pire. T'as pissé? Tu t'es étranglé en te masturbant? J'ai nettoyé ma flashlight en l'éclaboussant. Non, je me retournais vers le panneau qui était écrit. Oh. On est des selfies avec le truc, en du doigt. C'est vraiment le truc le plus. Tu faisais semblant de recevoir un appel, je fais non, non, excuse-moi, je n'ai pas le droit de décrocher dans le parce wagon. Que c'est comme ma l'indique, police. Comme l'indique le panneau. Je t'envoie une photo du panneau qui stipule hors de tout doute. Et ça n'a pas marché, j'imagine. Mais non, mais en plus, elle parlait pas fort. Elle disait excuse-moi, je peux pas parler. Mais je me sentais, En fait, je me sentais diminué en tant qu'être humain tu de pas barrer, réagir. La règle ouais, normalement, dans le Thalys, dans le TGV, voilà. T'as un endroit vers les chiottes, hein, ce qui est jamais très agréable, mais où tu as le droit de téléphoner. Oui. Non, c'est entre deux wagons, tu vas. Bah, c'est là où il y a les chiottes. Oui. Ouais, mais ça va. Mais ouais. C'est pas toujours des chiottes, mais si on te voit pas, tu peux. Mais elle me dérangeait pas. En fait, c'est ça le truc. Mais c'est juste que je me disais, j'ai l'impression de me laisser piétiner le territoire auditif. Oui, oui, oui. Ah, bah oui, écoute. Oui. Non, mais tu. Et puis, t'as payé quand même. au prix où on paye. Bon. Ouais. Donc, oui, on va passer aux questions des internautes. Ils nous ont posé plein de questions. Les gens. Ah, c'est vraiment ceux que j'aime le moins. Rien de pire qu'un internaute. Les gars, on essaie de vous ramener du public. Soyez un peu gentils. Bon, après, ils vont écouter ce qu'on fait. Ils vont être déçus. C'est comme tu dis, non, mais viens, on met une belle photo sur Tinder. Enfin, mais les gens voient ma gueule après. Ouais, ça sert à rien. Je préfère les décevoir ici que chez nous. Alors, c'est aussi dans le les... nom de ma sextape. Me touche pas quand tu dis ça. Dans les questions qu'on a, alors ça commence avec Adrien Méniel qui est notre invité, je vous le rappelle. Est-ce que Adrien peut ouvrir une chaîne de cuisine? Ces snaps donnent trop envie, petit cœur. Ah bah. Ah oui, c'est vrai ça. C'est... Je suis très fan des snaps. Bah, j'en fais plus d'ailleurs des snaps. Mais... C'est une autre question qui dit pourquoi tu fais plus de snaps. Est-ce que t'as signé un partenariat avec Instagram? J'ai un contrat d'exclusivité, je fais des stories Instagram maintenant. Toutes tes stories Snapchat doivent contenir la marque Fanta, donc du coup tu es... J'en fais plus. Non, Hashtag Fantaméniel. Fantaméniel. Non, une chaîne de cuisine, je pense... Fantadrien, excuse-moi. Oui, bah ça marche. Ouais. Pardon, mais ça me semble important. Non, mais j'aime bien commencer quatre fois une phrase. Vas-y. Et surtout, moi j'ai... bienvenue au club. Moi, c'est surtout avant la vanne, j'ai aimé le... J'ai la meilleure blague du monde. Quand Adrien... Touché par le génie. Oh, attendez. Arrêtez tout. Arrêtez tout. J'ai réinventé la masturbation. Ok, excuse-moi Adrien. Non, en plus, c'est vraiment la réponse peut-être la moins intéressante. Donc, c'est bien de teaser. Non, une chaîne de cuisine, je pense pas. Parce que globalement, je fais des sandwichs, quoi. Donc... ça serait un peu gonflé de faire une chaîne de cuisine. Tu es en train de dire que toutes les chaînes YouTube qui existent doivent avoir un contenu extrêmement intéressant, c'est ça que tu es en train de sous-entendre? J'ai une pression de ouf. Bah, ouais. J'ai vu une vidéo de David Lafarge Pokémon qui faisait un bottle flip challenge pendant 12 minutes. Je me suis dit, je peux pas juste arriver avec. Je peux pas arriver avec juste des sandwichs, quoi. Faut avoir un le mec, il avait quand même plusieurs types de bouteilles. Tu es en train de clasher. Est-ce qu'on aurait pas clashé dans la même émission Mesmer et David Lafarge Pokémon? Non, mais là, c'est le mauvais œil assuré. J'ai quand même l'impression qu'on a tendance à mettre des petits coups de pied dans des habitats de fourmis, je vous le dis. Une fourmilière, dis une fourmilière. C'est une fourmilière? D'accord, ouais. Une fourmilière. Mais c'est une fourmilière. Des habitats de fourmis. Ah non, mais c'est un running qu'on a dans cette émission. On aime prendre de grands... Si tu écoutais. On prend de grands virages pour des expressions très simples. Vous savez, mais vous me perdez dans le virage. Ah oui, c'est ça. Au moment où vous verrez, je fais en sortie de route. Fallait mettre ta ceinture, Dani. Alors... J'ai autant haï qu'adoré. Titre de ta sextape. Je fais plus de snap parce que je sais pas, ça me saoule. Snapchat. Très bien. Soul snap à quelque part. Comment? J'ai loupé. Soul snap. Tout a raté. J'ai pas compris. De Snapchat, j'allais dire soul. Non, c'est mon professeur. C'est le moment où je peux dire à Flaubert que si tu mets rien dans l'enveloppe ce soir, il y a personne qui t'en voudra. Mais il vient pas. Si, je viens. Mais c'est ce soir que tu viens. Mais oui, je viens ce soir. Ah oui, non, tu viens ce soir parce qu'on est le 17. Non, on est le 10 ce soir. Ah non, t'es venu ce soir. Je viens ce soir. Ah oui, d'accord, c'est dans le passé pour les gens. Oui. Et j'ai adoré le spectacle. Oui, j'ai hâte de le dire. Et t'avais juste un billet de 10, malheureusement. Je pouvais pas laisser. Et si je suis un seigneur, je laisserai un billet de 20. Je le ferai pas. Nouvelle question. Pourquoi les humoristes comédiens belges ou québécois sont-ils autant appréciés des Français? Alors déjà, ça vient de nulle part, mais ils ont thanks for the drive by. Moi, j'ai une, ils ont fait ce qu'on appelle une. Et après, ils ont mis. Alors parce qu'ils sont. On a des. On a des. Comment dire? Des auditeurs un petit peu caustiques. Ils ont quelque chose en particulier, mis à part l'accent, voilà. En fait, la réponse est juste que ceux qui passent la frontière sont les meilleurs. Donc on, on dit ah bah lui il est bon, mais parce qu'on connaît pas les autres en fait. Non, bizarrement, il y en a plein qui veulent jamais partir de la Belgique. Enfin, en tout cas, de ne pas aller en France. Ah oui. Mais après, comme je le disais, il y a Non, c'est pas un snobisme. C'est... Mais il y a un petit côté. En parlant de snobisme. Mais non, mais d'ailleurs... pour être chroniqueur dans une émission, il y a un côté un peu zoo. On donne à manger à ces gens-là comme si c'était des petits animaux, tu vois. On leur lance des cacahuètes. Tu parles des Français en disant ces animaux non. qui mangent non, des cacahuètes. Non, justement, je parle justement des Belges qui viennent et que tous les présentateurs et le public est là en train de. Et le prochain qui dit regardez. Nos amis les Belges. Ah bah, oui, c'est... Nos compatriotes. Il y a un côté très, très réducteur. Mais d'ailleurs, chaque humoriste belge est présenté comme. Alors, il nous vient de Belgique, tu vois, c'est obligatoire. Reste, c'est ça, tu restes calme. Je suis plus, la Belgique est plus près que 80% du territoire français. Paris. Stop it. Mais ouais, ceux qui reviennent ne sont pas souvent très. Tu ils ne penses... regrettent pas, quoi, je veux dire, d'être rentré. Mais en fait, le truc, c'est que soit. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire proposer des trucs, mais. T'es pas payé nécessairement beaucoup plus qu'en Belgique et c'est tu prends toute une journée pour donc faire on fait ça que pour l'argent. Oui non mais on fait gagnant ou le boulot. Ouais. Ça c'est votre expérience Golden Moustache qui parle. Il y a d'autres. Oh, putain, la strike générale. Les gars, la guerre est finie. Pourquoi, bah écoute, la H bomb a été. La G bomb. Flaubert, à quoi la suite des sketchs comme Simba ou Barbecue? Une autre collaboration avec Dan Gagnon? Peut-être qu'un clash de 6 mois m'a pas aidé pour, pour la suite. Non, mais alors tu rigoles, mais alors je sais que ça fait longtemps. Alors bon, je l'ai pas dit partout, mais moi j'aimerais beaucoup faire d'autres sketchs comme Simba et Barbecue parce qu'ils sont très simples à faire et très drôles à écrire. C'est-à-dire que moi je prends beaucoup de plaisir à écrire ça, c'est pour ça que je me suis éclaté sur Bloqué. C'est qu'il y a très peu de recherches en termes de scénario. T'es vraiment un gros, hein, toi. Comment? C'était vraiment une blague par rapport au fait que t'as piqué Friends. Ah oui. non, en fait, Classic Ross. c'est juste que c'est moi j'adore écrire les dialogues, c'est vraiment ce qui m'amuse le plus, faire exister les personnages. Et ce qui est bien avec ce format-là, exactement comme Bloqué, c'est qu'on n'a pas besoin d'inventer une histoire où ce serait intéressant de faire parler ces personnages, d'avoir le bon concept, le bon truc. Là, c'est juste des personnages qui parlent. Et du coup, enfin moi c'est ce que j'aime dans Kevin Smith ou Judd Apatow. Judd Apatow, rarement, à part peut-être 40 ans toujours puceau. Un espace entre les deux quand même. Hein. Non mais ce que je veux dire c'est dans 40 ans toujours puceau, t'as un concept, mais sinon les autres films de Judd Apatow, t'as pas le concept fort où tu fais, c'est utile que ça dure 2h30, que vous discutiez pendant 2h30. C'est juste qu'il aime faire parler les gens. Et ben moi ce concept de personnage qui discute dans un champ contre champ, et en plus, et Dan pourra en témoigner, ça va très très vite à faire. Ça se fait en 3 heures, ce qui explique peut-être la qualité, mais en tout cas. Et ce qui était vraiment chouette à faire aussi, c'est de chercher les punchlines, parce que vu que le tout est déjà. Que le texte n'est pas dingue. Non, mais c'est, tout est déjà prêt. Et donc, je me suis dit, on a cherché plein de trucs. Et il y en a, dans les trucs qu'on avait cherchés, il y en a un qui m'avait vraiment ferré. Et c'est un crève-cœur, j'ai dû l'enlever parce qu'il ne marchait pas au montage, mais c'est un crève-cœur, je t'en supplie, dis-le aux gens. C'était genre, la fille, donc. Justine Le Potier. Le potier, c'est ça? Le potier, oui. Ouais, elle s'est trouvée plein de métaphores pour dire qu'il bandait pas. Puis en le branlant, elle doit le branler et il bande pas. Et une des métaphores, c'était vraiment comme malaxer un sachet de mayonnaise tiède de chez McDo. Il y avait la consistance d'un sachet de mayonnaise tiède. Ça fonctionnait vraiment bien. Et je vous invite, la prochaine fois que vous allez au McDo, de le saisir pleinement. J'ai fait du ketchup dans le Thalys tout à l'heure. Mais dans le sachet McDo? Ben, c'est un sachet, ouais, de trucs. Ben... ça marche bien. Moi, franchement, j'invite tous les auditeurs à nous envoyer des photos sur le hashtag sachet de maillot et on vous enverra. J'ai touché que mon pénis et il était en érection généralement. Donc, tu débandes jamais, toi, c'est vrai. Tu es un. Oui, mais c'est juste qu'il se masturbe. Non. Quand t'es avec toi. Je bande actuellement. Depuis le début de l'émission. C'est pas le chat qui a fait tomber le truc tout à l'heure. Adrien a une idée. Non, mais c'est rare que tu te masturbes le pénis mou, quoi. Oui, mais c'est quand tu te fais branler par une meuf et que t'as le pénis mou. Ouais. Après, moi, c'était de la fiction totale. Moi, ça ne m'est vraiment jamais arrivé. Donc, je faisais ça pour que Je crois que le pire moment, c'est quand ton cerveau dit putain. Va falloir que t'annonces que c'est fini. Moi, c'était le moment avant, c'était le moment de la peur. Ça, c'est le moment de la fin. C'est le moment de la résignation, dans le deuil, tu vois. Ça, c'est l'étape de l'acceptation. Oui, il y a la négociation. Moi, c'est d'abord la peur. C'est le j'ai comme l'impression que je vais déborder. Ouais. je suis sur la pente ouais. descendante. Ne pas bander, c'est une chose. Une pause bureau des rêves. C'est ça. Mais vraiment, genre, t'as bandé puis tu fais. En fait, tu vois les deux chemins. Tu vois le chemin de l'orgasme et le chemin de la fin de l'érection. Et tu fais. J'ai vraiment l'impression que ce véhicule tangue dangereusement vers la mollesse. La chute va être décevante. Oui. Donc ça va se terminer dans du flexible. Où en est la série de Dan sur la maison de retraite Les Vieux ? Mini parenthèse que Flaubert devait réaliser. Enfin oui, alors attendez, c'était dans le vent. Moi, j'attends un scénario. Voilà. Non mais effectivement, c'est un truc dont tu avais parlé dans le podcast et dont tu m'avais parlé vraiment en plus. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que Flaubert ayant beaucoup de succès... Arrête. Oh non, mais j'ai pas dit que t'avais du talent. Et bah, il y a pas beaucoup de temps disponible pour le faire pour l'instant, mais c'est. Mais moi, j'attends de lire surtout. Tu m'as rien envoyé. Moi, j'attends de lire un scénar ou un truc ou un. On vient ici. Tu penses vraiment que je suis au stade de ma vie où je dois montrer des trucs? Putain, mais tu sais combien de fois j'ai rempli le Paname? tu sais combien on met de gens dans le Paname? Il y a 120 oreilles par soir qui... Bonne technique de compter en oreilles. Ben, c'était comme ça que les radios faisaient à l'époque. Ah ouais? Plus de 2 millions d'oreilles chaque matin. Ah, bah oui, putain, bonne technique. Ouais, parce qu'en général, les gens en ont deux. Donc c'est la technique marketing. Est-ce que s'il y en avait un gars qui en avait qu'une, il pouvait appeler et faire genre, excusez-moi, j'ai l'impression... Oui, et la main avait un erratum. Plus de 999 999 oreilles chaque matin. L'idée est là. Moi, j'ai eu d'autres choses aussi qui sont mises en place. Je vais jouer dans une web-série. J'en ai écrit une pour le Parlement européen. Oh. D'accord. Sur le Parlement européen. C'est super intéressant à faire. Donc, je suis en train de faire ça. Et j'ai le spectacle. J'écris un peu pour d'autres aussi. Donc, pour D'accord. l'instant. Et j'ai un autre projet avant. Mais ouais, ça m'intéresse. Surtout que... Moi, je joue à Zelda. Tout à l'heure ou pas? Parce que j'aime beaucoup, beaucoup Marina Rollman. Et bien sûr, on l'aime beaucoup ici. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle est bien qu'elle vienne d'ailleurs. Ben ce serait très bien, mais elle est souvent en vadrouille entre States, New York, Suisse. Là, elle est à Bruxelles en Belgique pour l'instant. Oui, elle bouge partout. Mais apparemment, elle revient sur Paris bientôt. Pour là. Un tournage justement. Et ben écoute, elle est très très forte. Je vous invite à regarder. Elle a des chroniques radio et aussi elle fait de la scène. Et enfin, vous pouvez voir plein de choses sur YouTube. Si vous tapez Marina Rollman. Et elle a un timing comique. Incroyable. Moi, j'ai tourné avec elle. C'est ce qui m'a donné envie de travailler avec elle, d'ailleurs. C'est votre série où j'ai fait, putain, elle a un vrai truc à la caméra qui cartonne, quoi. La première prise, tu fais comme, oh shit, il va falloir que je step up my game parce que tu te sens pâle à côté. T'as vraiment l'impression qu'elle, elle est shootée full couleur avec déjà la colorimétrie. Et toi, tes répliques, elles sont plus... T'as l'impression que tes répliques, c'est pour ça que t'es en noir et blanc. C'est ce qui aussi, c'est en te voyant la série, c'est ça qui m'a donné envie de la mettre en noir et blanc. Vraiment, t'as l'impression face à elle, toutes tes répliques, c'est... C'est ça. Ah, c'est Amy Schumer, là. Hommage. Question à Adrien et Anthony. Et vous, à quand la scène? Je suis content qu'il m'ait enlevé de cette... Il s'est dit, bon, Flo, Flaubert, on sait que non, mais... T'en as fait un petit peu. Et j'en fais lundi, et t'en en fait lundi, alors. Ouais, mais calme-toi. Donc oui, à quand est-ce que vous auriez des envies de scène on commence par Anthony. Jamais de la vie. Je serais incapable de... Je me chie littéralement dessus si je monte sur scène. Oui, mais attention, juste pour préciser, et c'est ce qu'il dit... Ce qui peut être drôle. Mais... Anthony se chie sur scène. Il dit, ça dépend des périodes. Des périodes, il fait... Ouais, j'ai envie, je non. Je le sens pas, mais j'ai envie. J'ai envie. Je le ferai jamais. Mais je le ferai jamais. Non. Mais je ne le ferai jamais. C'est aussi le nom de mes sextets. Et est-ce que tu peux faire ce truc que moi je fais, à savoir je me cache derrière des comédiens quand j'écris des sketchs? Est-ce que tu pourrais faire ça sur scène, écrire pour quelqu'un? Non, pour de la scène non, mais j'écris des trucs, mais pas pour la scène. T'as écrit d'ailleurs un peu sur presque. Oh, totalement. Ouais, ouais, avec mon frère, c'est un. Mais non. J'aimerais bien, j'ai l'impression d'avoir des trucs à raconter. Ah oui, t'es marrant, et deux, ce que t'écris est marrant. Je peux pas, non, ça me. Ça te terrifie. Ah ouais. Ben c'est pour ça que moi je vante un peu les mérites de première fois parce que moi du coup je suis monté que deux fois sur scène, une fois sur première fois à une soirée Mademoiselle et c'est à la nouvelle scène, donc c'est un très beau parce que le Paname par exemple il faut être bon vraiment parce que tu vois vraiment tout le public. Ah, il t'avait pas dit. Sauvé. Putain, Kathleen. Bah non, mais tu sais à quoi ressemble la salle quand même, tu l'as vu. Ouais, fais une bonne sieste. Non mais effectivement ça, c'est très comedy club quoi. Ouais. Donc, tu es vraiment proche des gens, mais le Kings of Comedy c'est ça aussi. Ok, ça va. Ouais. Alors que la nouvelle scène, t'es vraiment en élévation et tu as de la lumière dans la gueule et tu ne vois pas le public. Donc déjà, moi ça m'a beaucoup aidé. Et vu que ça s'appelle première fois, les gens sont beaucoup plus gentils avec toi que n'importe quel public. Ouais, j'imagine. Non mais je sais pas, faudrait qu'ils lancent ça aussi en Belgique, ça pourrait être cool. Enfin, moi, je sais que je serai jamais stand-upper, mais des fois, je me dis, ah, ça serait marrant de le jouer. Tenté, c'est ça. C'est 4 minutes, ça, c'est 5-7 minutes, je les trouve intéressantes. est-ce que je les jouerais pas une fois dans ma vie, et si je me plante, tant pis, et machin et tout. Tu vois, il n'y a pas un plan de carrière. Peut-être une fois, tu pourrais tenter ouais, ça. Peut-être. Ouais, c'est ça, le fait de se dire si ça marche pas, je passe quand même une bonne soirée. Ouais. Le contrat avec le public, c'est j'essaie. Ouais. Moi, ouais. Mais finalement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait le nouveau spectacle. J'ai fait 6 lives au Comedy Club où c'était je vais tester des trucs. Mais il y avait 45 minutes de déchets. Ouais. Mais le public, il n'est pas fâché. Il fait comme OK, OK. Et il attend de voir ce ouais. que tu vas proposer. Donc tu te sens pas du tout. Bah, le contrat et le. Ouais, c'est ça, il est vrai. On peut mais quand même dire que t'es le seul gars qui fait payer ses rodages, mais pas ses spectacles. C'est dingue, hein. C'était vraiment pas le seul gars. Parce... Ah oui, pas les spectacles, d'accord. Parce que c'est un truc très connu de. De comment dire, enfin Jamel en ce moment il fait une tournée qui s'appelle Jamel Improvise, je crois. Ouais, souvent ouais. ils disent improvise, mais bon, c'est pas de l'impro, ils testent leur spectacle. Kev et Gad l'ont fait aussi, et c'est une façon de. Mais c'est bien parce que ça, moi, le résultat était là, quoi. Mais tout, mais j'ai envie de dire, tout est possible quand il monte, quand il va dans l'espace. Ça, j'ai pas vu ça. Ouais. Il va vraiment dans l'espace. Anthony, alors putain, c'est une question de 16 pages, mais je vais essayer de la dire assez vite. Pourquoi tu passes toujours pour un connard? Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors attends. Non mais du coup c'est intéressant. Non mais c'est intéressant du coup parce oui. que c'est un peu facile. Un auditeur nous pose la question. Un auditeur de... du nom de Florent Bernard. Il dit d'où tu gardes ton bonnet à l'intérieur pour qui tu te prends et tout, genre... Alors non mais en plus le mec a mis quand même beaucoup de comment dire de pincettes. Ok, ça c'est de points d'exclamation et de majuscules et de d'insultes apparemment. Bien que je n'adhère pas du tout au discours classique consistant à dire que si on ne sait pas faire soi-même, on se tait, car les métiers de critique comique sont des métiers bien différents, requérant chacun des compétences spécifiques. Enfin, j'ai déjà pas compris le début. Ouais. Oh, si tu sais pas jouer au foot, arrête de critiquer le foot. Il est pas d'accord avec ça. Il est pas d'accord avec lui. Il est pas d'accord avec ça. Il y a un mec qui arrive. Il y a un mec qui va arriver. On le sent. Hein. Je ne suis pas raciste, mais je pense qu'un critique a peut-être un devoir de modération, justement parce qu'il est dans une position entre guillemets confortable de juge face aux artistes qui eux se livrent. Anthony, tu es souvent violent dans tes jugements. Penses-tu qu'il est possible d'exprimer les mêmes avis de manière plus pondérée? Entre parenthèses, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Putain, mais le mec, c'est le seul. Mais il y a du respect. Moi, je le remercie parce qu'il nous écoute sûrement. Et voilà. C'est le premier mec poli d'Internet. Le premier mec pas d'accord qui est poli sur Internet. Il doit tellement se sentir seul. Fait, les mecs, viens! C'est sûrement son fétiche, il doit probablement se branler en écrivant la question. Non, il a un Google Trad, il a juste écrit pourquoi t'es un connard et ça a donné cette phrase. Le français vers poli. Ouais, c'est ça. C'est une autre idée de sketch, j'ai envie de dire. Oh, le décodeur. Ouais, ça existe. On peut. Donc c'est un hommage. Ah, c'est un hommage. C'est un hommage. Au programme court. Non, je sais pas. C'est quand t'es passionné déjà de ouais. Et j'ai pas. Je déteste. Enfin. Je comprends la phrase parce que évidemment tu m'entends parler, j'ai l'impression, enfin on a l'impression que je ne fais que critiquer, mais on n'entend pas tous les trucs où je dis c'est vraiment bien dans le podcast. La moitié c'est des trucs où je... Ouais. C'est-à-dire que t'as la même passion pour ce que t'aimes. Je vais dire je déteste Gad Elmaleh dans le même podcast et dire regardez telle et telle série ouais. parce que je kiffe. On ouais. va dire putain il n'aime pas Gad Elmaleh, mais après bon. Ouais. Non, c'est vrai. Donc j'arrête, je m'explique pas là-dessus pendant des heures. C'est, bien sûr. Non mais c'est intéressant. Pas, mais généralement c'est ça. Il y a plein de trucs et après, j'essaie de faire des efforts. Moi, je l'ai senti au fil des... Mais je trouve qu'Anthony a quand même un point qui est là. Si tu manques pas de respect à la personne, si tu fais un spectacle, les gens ont le droit de dire qu'ils aiment bien, ils ont le droit de dire qu'ils aiment pas, tu vois. Et puis, à un moment, vous avez un podcast d'émission où vous donnez votre avis. Non, mais je kiffe tellement de trucs, en fait, quand ouais. tu me connais vraiment. Je regarde, c'est vrai. Oh, oui, non, mais tu regardes 50 fois dans une journée ce que moi, je regarde dans une semaine. La question, elle n'a aucun sens. Mais après, les gens ne me connaissent pas non plus. Donc je peux bien sûr, non, mais... Mais après, j'essaie de tendre vers ça, et j'en parlais à Dan la fois passée, même avec le projet, le podcast, etc., essayer de mettre vraiment en avant des gens. Ouais. Je parlais tout à l'heure de Louis Anderson, qui est quelqu'un que j'adore, et j'aimerais bien essayer de faire des vidéos sous la bannière du podcast ou quoi. Bien sûr. Pour parler et mettre en avant ces gens-là, et essayer qu'on foute la paix avec cette question. Non, mais effectivement, parce que, mais en plus, souvent, tu es virulent. Quand les choses t'énervent, pas forcément quand tu les aimes pas. Souvent, c'est parce que ça t'agace même plus que. Tu... Ah oui, parce que moi aussi, j'étais voir Gad Elmaleh sur scène, je l'ai vu. Non, c'est vrai. Oui, c'est, oui. Pas, c'est pas une blague, je l'ai vu sur scène. Mais... Non, mais souvent, c'est quand ça t'agace et pas quand tu n'aimes pas. Je mettrais un peu cette nuance qui est importante. C'est vrai. Qui est importante. Il y a plein de fois où dans le podcast, on dit c'est pas pour nous, par exemple. Ouais, c'est ça. Bah encore ce là. Ce qui était pas comme ça au début. Je pense que c'est. Si tu écoutes les premiers, d'après moi, ils étaient justement un peu plus. Et après, vous êtes dit merde, il y a des gens qui nous écoutent. Je pense que c'est vraiment juste le. C'est au début, tu as envie de dire tout ce que tu penses, mais au moment donné, tu fais pas. Pourquoi juste passer du temps. C'est... juste à dire ça, c'est pas, il y a tellement de bons trucs et on n'a pas le temps de voir les bons trucs. Je pense qu'on se consacre beaucoup plus à cette chose-là, justement, à se dire, ça vous connaissez peut-être pas, vous allez bien aimer. Ceux qui disent, il n'y a rien de bon à la télé, tu fais, achète. Tu vas sur internet. T'as pas vu toutes les bonnes séries et tous les bons films et tous les bons spectacles. Et on facilite pas la vie non plus avec ce qui se passe en France, quoi. C'est vrai qu'on est enchaîné Hanounite, SNL français. Mais tu les regardes, moi. Joyeux Baba Noël. Et je les regarde. Et tu les regardes. Je les regarde. Joyeux Baba Noël. Oui, bah lui, il en fait tout le temps. Je vous rappelle qu'il me follow, sur Twitter. À tout moment, je peux lui envoyer un petit message si vous voulez. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Hein. Pour le coup, Baba. Je n'ai rien fait avec Baba. Baba te follow. Baba me follow. J'ai aucune idée. Et donc, j'ai regardé. Pourquoi ? Tu sais, donc du coup, j'ai regardé qui follow autour pour essayer de comprendre. Et je pense que dans la truc de proposition, des fois on te propose dessus des gens, il a juste cliqué 16 fois d'affilée parce qu'il y a Yacine, Navo, moi, et ensuite il y a Chris Brown et Ludacris. Donc vraiment, je ne comprends pas. Clic, quoi. Bah, que des anciennes Golden Moustache au final. Les sketchs de Chris Brown, c'était quand même. C'était pas les meilleurs. Moi, j'ai pas adhéré. C'est parce que je sais où tu vas aller. Ouais. Non ? Non. Alors merde, on va mettre l'idée en tête. Merde. Alors attendez, donc du coup je regarde les questions. Ça va aller. Est-ce que vous avez des chaînes de sketch à recommander en essayant d'aller un petit peu vite, parce que j'ai encore un jeu à vous proposer après ça. Alors une chaîne de ou un sketch show, des trucs un peu marrants à recommander. Like moi au Québec. D'accord. Vous avez peut-être déjà vu le bébé, la photo du bébé. Oui, c'est ça, la photo du bébé. Un gars qui s'appelle Adib Al-Khalidé qui est dedans, c'est celui qui veut pas voir la photo du bébé. Et ils ont des excellents trucs. Et une humoriste québécoise s'appelle Catherine Levac. D'accord. Tout ce qu'elle fait, allez le voir. Ok. Elle a un accent parce qu'elle vient d'une région du Québec où elle est un peu. Où c'est une ontarienne, franco-ontarienne. Enfin bref, elle a un accent un peu différent du mien. Mais elle est absolument. Mais elle a un timing comique qui est très, très unique. D'accord. Et déjà ça, peu importe ce qu'elle dit, ça sonne bien. Très bien. Anthony ? Non, pas spécialement. Je parle souvent du Kroll Show qui était le sketch show sur Comedy Central de Nick Kroll. Qui est un peu un des moins connus, qui n'est pas arrivé jusqu'à moi, j'ai découvert récemment Nick Kroll. Et il fait des personnages absolument dingues. Et je dis souvent que j'aime pas les perruques, mais c'est très bien utilisé chez lui. Et il a un talent absolument dingue. Je pense que c'est visible sur YouTube, ça se trouve. Probablement, oui, ou sur le site de Comedy Central. Adrien ? Non. Ok. Non, mais non, vraiment, j'aimerais bien découvrir des trucs là en ce moment. Envoyez-nous des propositions. Kroll, le Kroll Show, j'ai jamais vu, donc j'irai voir justement. Mais j'ai... Et un truc que je regarde sur YouTube. Je regarde David Lafarge Pokémon, donc ça veut dire à quel point je monte. T'es dû justement pour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, les chaînes de sketch, c'est fait. Alors, bon, là, c'est vraiment des fans de Comedians Weekly. Il y en a. Qui me demande où en sont les couvertures Chauffe-Houic et la plaque commémorative de Flaubert et où sont passés Pétoche et Bordax. Mais c'est d'où c'est parti ? Je comprends pas ce truc. Et aussi, on m'a demandé. Moi, Pétoche et Bordax ? Je la cale ici. On m'a demandé si je pouvais un jour faire un sketch en sépia de Pétoche et Bordax. Je la cale ici comme dans Game of Thrones. Oh là là ! Waouh ! Slow clap. Attends, on part sur le slow clap. Allez-y, allez-y. On peut pas se remettre. Répondez à votre petite question maintenant. Non, mais regarde, en gros, c'est tous des trucs dans le podcast. En fait, c'est des running gags de vos podcasts. C'est ça. Moi, Pétoche et Bordax, à la seconde où il a prononcé le nom, ça m'a cassé les couilles. Ces deux personnages, il y en a un qui est de gauche, l'autre qui est de droite. Et donc, ensemble, ils vivent des aventures. Ah oui. Parce qu'ils ont souvent des différends. Et donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la vie, ils ont une vision très différente des choses. Et ça se termine souvent par un commentaire raciste. On a eu des strips, hein. Des gens ont vraiment fait des strips. Ah bah, et voilà, mais dès que tu demandes aux gens de dessiner, il y a beaucoup de dessinateurs au chômage. Moi, dès que je demande aux gens de dessiner, je reçois des tonnes de dessins. Même à mes spectacles, j'ai un gag sur le fait que je parle de syphilis. Et quand tu as des enfants, je dis pas de panique, c'est un Pokémon. Et un jour, quelqu'un m'a dessiné le Pokémon syphilis sur une enveloppe. Et laisse-moi dire que j'avais jamais vu une bite aussi dégueulasse. Sur une enveloppe. Moi, j'aime le. Ils se sont dit, bon, ok, oui, il veut l'envoyer à quelqu'un. Non, c'est parce que les gens mettent ses pots au chapeau. Ah oui, d'accord, pardon. Parce que les gens voient. Je veux pas que les autres voient ce que t'as mis ou pas. Je veux que tu sois libre de. T'es safe, quoi, ce soir, Flaubert. Ouais, c'est ça. Vraiment... Tu vas pouvoir garder ton billet de vin. Tranquillou, c'est le même billet de vin. Il écrit les noms de tous les artistes qui étaient voir sans payer. Et donc, voilà, donc, c'est des personnages. C'est juste que c'est des bêtes trucs. J'aime bien. En fait, il y a rien qui me fait plus rire qu'emmerder Anthony. Et donc, il commence à dire quelque chose et je fais une parenthèse. Et tu vois qu'il attend juste que j'ai terminé. et je m'arrête pas. Et je continue et je le force à rentrer dans des trucs comme ça. La couverture chauffe-couille, c'est une couverture chauffe-couille. Parce que je disais que couverture chauffante, c'était le plus beau cadeau qu'on m'avait fait, et c'est pas une blague, à vie. Et donc, je me disais, chauffe-ouïque, c'était une bonne marque de couverture chauffante. Et on a failli lancer un Kickstarter. Et puis après ça, on s'est rendu... encore une fois. Et puis le troisième, c'était quoi le... Et la plaque commémorative à mon nom. Ça, elle arrive, elle arrive. Elle arrive. On l'a commandé. Mais ah, ça, j'ai ça, hâte. Par contre, ça, je veux problème vraiment... chez le fournisseur, mais ça arrive. Et d'ailleurs, s'il y en a qui la mettent, on peut peut-être donner l'adresse d'ici. Comme ça, on peut directement venir la porter. Paris. On va rester sur Paris en termes d'adresse. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, lundi, je peux venir te voir avec ma mère ou tu crois que ça va être déplacé? Je pense que ça va être déplacé. Parce que je parle du fait que j'ai appris très tard que les femmes pouvaient avoir un orgasme. Et c'est un vrai truc que je raconte. Et donc, du coup, s'il y a ta maman, ça peut être déplacé. Bah, et, si ça se trouve, elle va pas faire des choses. Elle est pas en sucre, sa mère non plus. Elle peut entendre. Et justement, mec, c'est super chaud ce que tu dis qu'elle l'est en sucre. Ah, elle est en maths. Et c'est comme la maladie des os de verre, mais en sucre. Exactement. Et c'est délicieux. Dès qu'il pleut, tu t'as fait. C'est horrible. Une mais délicieuse café, bon. Maladie. Ouais. Dernière question, est-ce que vous conseillez chacun un podcast autre que Floodcast et Comedy News Weekly? Non, on n'est pas débiles non plus. On pas écoutez déjà les nôtres, les gars, ça serait bien. Il y plein que j'aime bien. Si, oui. Ouais, moi je vais regarder aussi là dans mon. Moi aussi, je regarde dans mon téléphone. Bon, récemment, j'écoute. Moi je vais sur Facebook. Missing Richard Simmons. D'accord, ça parle de quoi? Richard Simmons, c'est un mec qui a une petite gloire, enfin une grosse gloire aux États-Unis. Le gars qui faisait du fitness. Qui faisait du fitness, voilà. Et il continue encore maintenant de. Enfin, il continue il y a encore quelques temps de faire du fitness. Il avait des cours privés et il y a un mec qui a suivi son cours. D'accord. Et qui s'est un peu rapproché du gars. Ils sont un peu devenus amis. Et du jour au lendemain, Richard Simmons a coupé tout contact avec tous ses proches, en fait. D'accord. Et le podcast, ça ressemble un peu à Serial, pour ceux qui connaissent. Oui, bien sûr. Où il essaye de retrouver où est passé Richard Simmons. D'accord, c'est drôle. C'est ça, c'est dingue, et voilà. D'accord, Adrien, juste un chacun. Un. Tu reviens chaque semaine. Non mais juste. Alors j'en ai d'autres aussi. Non mais en fait je vais en citer un, mais je crois que je l'avais déjà dit. Mister et Show, j'avais déjà parlé, je crois. Je n'écoute pas les émissions. En fait, il y a eu une seule saison parce que le show coûtait trop cher et du coup ils ont débranché le truc. Mais c'est ça en fait, c'est un peu chaque épisode est une enquête sur un truc. Complètement anecdotique dont on se passerait complètement. Par exemple, il y a un truc où c'est un gars, il a trouvé dans un caniveau quand il était gamin, quand il avait 12 ans, il a trouvé une boucle de ceinture, mais vraiment très très particulière. Quoi. Qu'il a utilisé pour se branler, hein, je crois, on peut le dire. Ouais. Et en gros, et il y a un nom écrit dessus. D'accord. Et du coup, c'est l'enquête, la meuf du podcast enquête pour retrouver le propriétaire du truc. Et ça paraît pourri, mais c'est vraiment incroyable à chaque fois. Quoi. D'accord. Donc il n'y a eu qu'une saison. Sinon, un autre podcast très vite qui s'appelle My Dad Wrote a Porno. Ah oui, ouais. Tu m'en as déjà parlé. Et c'est un mec, un anglais. Dont le père a écrit un livre porno auto-publié et du coup chaque épisode il lise un chapitre du porno écrit par son père en commentant drôle. Et tout c'est très marrant. Et Dan, quelque chose? Oui, rapidement. Toi, on peut aussi dire, alors j'en profite de faire ta petite promo d'autres choses. Tu as aussi plusieurs podcasts. Tu as un podcast sur ton troisième spectacle. Ouais, Making a troisième spectacle. Je raconte les coulisses. Et là-dedans, si ça vous intéresse, vraiment, il y a les 7 heures au total où j'étais dans des comedy clubs pour tester en live du nouveau matériel. Il y en a qui venaient débriefer. Navo est venu entre autres une fois débriefer. C'était assez chouette de pouvoir discuter avec lui. Mais here's the thing avec Alec Baldwin. Mm-hmm. Pour quiconque a un problème d'insomnie, la voix d'Alec Baldwin est absolument merveilleuse. D'accord. Et il raconte des gens, mais genre le gars qui a créé Studio 54, par exemple. D'accord, ouais. Ou David Letterman. Mais ce podcast est un bijou esthétique que je recommande. Et puis un que Anthony avait déjà parlé dans le Comedy News Weekly, Good One, a podcast about jokes. C'est juste des gens qui font un podcast qui parle d'une blague pendant fucking 40 minutes. Okay. D'accord, ok. Allez, je place juste la poudre de Lorraine Bastide. Ah, c'est pas encore écouté, juste des interviews de femmes. D'accord. Voilà, et c'est très bien. Et je vous propose pour terminer un petit jeu. Refusé. Eh bien, merci à tous, c'était le podcast. Alors, c'est un petit jeu très con, mais qui peut peut-être développer votre culture de l'humour, parce qu'on est quand même avec deux personnes qui ont un podcast qui parle de comédie. C'est vrai. Ça s'appelle. Il faut improviser. Non, vous inquiétez pas, c'est pas un jeu de recherche, de trucs, quoi que ce soit. Ça s'appelle Le jeu du personnage de comédie. Alors, le titre est assez impressionnant, je vais quand même vous expliquer ce qui se cache derrière. L'idée, c'est que je vais vous donner des noms. C'est mystérieux. On se demande de quoi ça parle. Je vais vous dire des noms de personnages issus de comédie. Française et américaine. À vous de me dire si c'est vrai ou faux. Et si c'est vrai, essayez de trouver le film. D'accord. Ok. Vas-y, on en fait une. Imaginons Jacouille la fripouille. Ça existe. Mm-hmm. Les visiteurs. Ah, c'est juste, tu dis un nom de personnage. Ouais. D'accord. Et Pascal Pot d'échappement, ça n'existe pas. D'accord. C'est d'accord. Et attends, et si ça existe, il faut qu'on dise le film. Si d'accord. Vous le savez, après si, on, va ouais, pas, okay. Voilà, on va pas s'amuser à dire 50 titres de films. T'as, t'as okay. pas peur qu'on te pique l'idée par contre? Non, je t'en supplie, faites-le. Moi je l'ai moi-même volé à. J'ai pas de blague, putain. Merde, merde. Merde, David Lafarge Pokémon. Voilà, bien joué. Nom si du personnage. Si je vous dis Laurent Ruisseau. Laurent comment? Laurent Ruisseau. Je dirais oui. Et c'est. Ah, c'est bon. Pas un de Camping Paradis? Non. C'est Laurent Ournac, tu confonds. Oui, mais alors, peut-être que dans la salle. Déjà, bon, attends, est-ce qu'on fait un tour de table pour dire oui, non, non, oui, non? Je, c'est à l'envolée. Toi, tu dirais oui, André. Je sais pas, je dirais que c'est un Québécois, mais je sais pas pourquoi. Laurent Ruisseau, d'accord. Moi, je dirais non parce que je sais que c'est pas un Québécois. D'accord. Non, non, mais attends, non. C'est un personnage, personnage fictif. Personnage. Hein. Ouais. Ouais. Okay. Oui, je dis non. Okay. Oui, il a fait ouais, genre j'ai compris, mais t'as pas compris. Les vrais potes qui se connaissent vraiment. Merde, Dan est en train de baver. Ouais, c'est... Hyper non, moi je dis non. Non, plus. Non, c'est juste que non. D'habitude je parle beaucoup et des fois je me dis, faudrait que je me taise en fait, on a entendu que moi. Mais non, non, vraiment t'inquiète pas, on a tous alors, beaucoup parlé. Alors déjà, est-ce que c'est oui ou non? Eh bien, c'est non. Eh ben, c'est de la merde ce jeu. Ouais. C'est que je chie sur Mesmer et sur ce jeu. C'est quoi vient... Je chie sur Mesmer, j'en prends la moitié ouais. Et je le lance sur le ouais. Jeu. Ça vient d'un exactement. Film que j'ai inventé qui s'appelle Ma femme aime les asperges. je vous conseille. Et ça pisse sans mauvais. Et ça pisse du coup régulièrement. Ça, c'est la suite. Si je vous dis Benoît Rivière. Je veux dire oui parce que tu vas pas faire deux ouais. Fois de blague de putain. Et c'est, là, et c'est là où tu serais très surpris de mon génie comique. Non, non, non, ça existe. C'est dans Double Zéro, le personnage de Éric Judor. Si oh, je vous pas. Dis. Excuse-moi, juste un détail. Aux producteurs qui nous écoutent, si vous voyez des hausses dans les écoutes de films et les téléchargements, c'est suite à ce jeu, les gens se sont rués sur Double Zéro avec Éric Judor en disant mais je dois découvrir le personnage de Benoît Rivière. Si je vous dis Miss Smoking Kills. Donc, Mademoiselle fumais-tu? Non. Ouais, ouais. Ouais, probablement, oui. C'est vrai, c'est dans un film français qui s'appelle Foun. Elle est interprétée par Martine Chevalier. Je vous jure, un film qui s'appelle comment c'est un film un peu fou, donc c'est Foufoun. Non, non, c'est juste Foun. C'est le film d'un groupe de comiques qui s'appelle Les Quiches, qui était un peu connu dans la fin des années 90 en France. Mais tu racontes n'importe quoi depuis 10 minutes. Non, ouais, c'est ça. Non, non. Je n'invente pas, je n'invente pas, c'est tu vrai. Peux revenir dans l'univers non parallèle. Si je vous dis Johan le pénis. Oui. Moi, je dis que ça vient d'une chanson des Fatal Picard. Il y avait Johan le pénis. Attends, Johan le pénis, dans quoi ça peut être? Johan le pénis. Donc, déjà, tu parles du produit, c'est sûr ça existe. Quoi. Oui, sûr. Johan le pénis, ça peut être dans beaucoup de personnes. Les gens aux mœurs légères ne manquent pas. Non, non, alors ce n'est pas, c'est pas genre un personnage qu'on appelle Johan, comme à Sausage Party où c'est un vrai pénis. Non, c'est le nom de son personnage, alors il existe. Ouais. Est-ce que vous trouverez. Est-ce qu'il y a Michael Youn impliqué? Il n'y a pas Michael Youn impliqué dans la chose. Ni mais... Jean-Marie Bigard. Ni Jean-Marie Bigard. Johan en revanche, il y a beaucoup d'humoristes dans le film. C'est un film français ? C'est un film français. C'est dans Cyprien ? Non. Ah. Jeune ou vieux ? Jeune. Ah, c'est récent ? C'est récent. Non, j'allais dire Aladdin, mais non, je pense pas quand même. Aladdin 6 ? Non, non. Est-ce que ça implique des youtubeurs ? Non, il n'y a pas de youtubeurs dans ce film. Les youtubeurs ne font que des voix de dessins animés pour l'instant. Il y a beaucoup de ils jouent pas encore dans des films. Il y a beaucoup, beaucoup de youtubeurs. À part Norman. Est-ce des humoristes qui ont joué dans des productions de Flaubert? Ah, c'est pas les babysitting ah ouais ce machin là Non, pas babysitting. Est-ce qu'il y a Gad Elmaleh dans le film? Il y a Gad Elmaleh dans le film, mais pas que. Pataya Ouais, j'allais dire. Pas Pataya. On s'en serait souvenu. Oui, oui, oui, oui. Non, mais ça peut. Parfois, des pépites. Tu sais, tu scoutes ton ami, il y a une pépite qui sort. Bizarrement, on dirait vraiment une métaphore de masturbation. Alors, je vous le dis. On cherche un. Logan non, un film est-ce que le personnage est-ce que Johan a pénis sur des griffes de pénis qui ça non, non. Chouchou non, non bon vas-y allez. C'est le film Les Seigneurs où il y a beaucoup d'humoristes dans ce film. C'est le film de foot par Olivier Dahan. Ah oui, il y a pas Cantona, il y a je sais pas, il y a Joe Star, il y a Joe Star, José Garcia, Ramzi Bedia, Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Claudia Tagbo. Claudia Tagbo, effectivement, et le personnage. Toi, t'as jamais rien vu, rien, et tu regardes les Seigneurs. Je l'ai pas vu, mais je me souviens de la promo. Il y a quelqu'un qui rentre, puis Claudia Tagbo l'engueule parce qu'il est en retard, puis il fait. Alors il y avait Claudia mais Tagbo. Mais allez elle a fait genre. Arrête. Et il est joué par le comte de Boudin-Bala. Et vu qu'il est un peu raciste, il le surnomme Le Pen. C'est pour ça qu'il s'appelle Le Pénis. D'accord. Film écrit par Philippe de Chauvron. Est-ce que t'es sûr qu'il. Philippe de Chauvron, c'est. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, débarquement immédiat, tout ça. Okay. Et un facile, Grégoire Furniquet, je vous lis le titre en français. Ouais. Ou bah, Gaylord Fokker. Ah bah oui, c'est... ça c'est Ben Stiller dans Meet the Fockers. Exactement. Enfin, Meet the Parents. Et, et pas besoin de Meet the Fockers, il n'y a pas changé de nom. Dans Al Pacino. Al Pacino. Pas Al Pacino, mais Al Pacino. Oh putain. Ouais. Moi, je dis oui à tout. Je suis heureux. Je suis tu dis oui exister. À tout. T'es le berger de tes c'est thunes. Le nom de ma sextape. Non, non, non, non, je vois pas. Al Pacino, et ben c'est dans Tropic Thunder. C'est le personnage de Brandon T. Jackson, le rappeur qui se découvre un peu gay sur la fin. Totalement, et qui fait des pubs en espagnol. Il s'appelle Al Pacino. Bigus Dicus. Ça, oui, ça, c'est totalement ça. Et ça, ça sent le Kevin Smith. Non, il n'y a aucun Kevin Smith. Aucun attends. Bigus Dicus. Tu crois que je plagierais Kevin Smith Je ne sais pas qui est cette personne. Je sais pas du tout. Donc, oui, il existe. Il existe. C'est plus vraiment un jeu. C'est plutôt, le jeu s'appelle plutôt deviner. Vieux film. Vieux film. Bigus Dicus. 70s. L'arroseur arrosé. Moins vieux film. Casablanca. bah oui. Play it again, Bigus Dicus. un vieux film, une comédie, j'imagine. Ultra culte. Non, c'est un drame. Années 70 le... Je crois. Peut-être c'est pas un Mel Brooks. Non. Mais. Mel Gibson. Non. Pas un Mel, mais ça commence par. C'est M. Bigus Dicus, mais pas circoncis. Mais pense Bigus Dicus, ça vous fait penser à quoi c'est... Bigus Dicus. C'est autre une grosse bite, hein, mais. C'est Romain. C'est Romain. Comme Benoît. Avec Monty Python. Bien joué. Ah, joli. La vie de Brian. Ah oui. Il y a toute une scène. C'est Mel Brooks sur la vie de Brian. Non, c'est Monty Python. Rappelons Comedy News Weekly, toute l'actu de la comédie par deux connaisseurs. Justement, c'est pas de l'actu. Non, mais ouais, Bigus Dicus, il y a toute une scène où justement les gens ricanent quand ils prononcent son nom et il y en a un qui comprend pas la blague. Et donc, c'est une scène qui dure bien un quart d'heure et sa lourdeur rend le truc vraiment génial. Delta de Vagin. Oui. Delta de Vagin. Oui. Eh bien, quel donc, film est-ce que c'est français? Américain. Américain. Oui, Delta oui. J'ai pas, j'ai pas le titre. Ah, le mais moi je regarde pas les films en VF. Je vois c'est quoi. Oui, non, mais c'est. Alors attends, je te le trouve en VO. Mais c'est genre. Delta de Vagina. On est sur un truc assez ouais, récent. Ouais, merde, ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est un truc militaire Non. C'est pas. Mais non, mais, si, mais c'est Austin Powers. C'est Austin Powers. Oh là là, bien joué. Joli. Et je vous propose maintenant Jorevka Tumbezoski. Oui, bien ça sûr. Ça fait très Austin Powers aussi. Austin Powers 2. <Okay. deux. rire> Blanche pute. Blanche pute. Est-ce qu'on est encore sur Austin Powers? Non, on n'est pas sur Austin Powers. C'est une parodie porno de Blanche-Neige ou? Non, c'est pas une parodie porno. Non, déjà, c'est, le vrai, c'est le vrai Blanche-Neige. Est-ce que ça existe déjà? Blanche pute. Blanche pute. Tu rigoles tellement que t'as. En fait, il y a un peu de fierté d'avoir trouvé ça. Donc, donc je dirais que ça n'existe pas. Ça existe. Ah putain. Mais putain, mais c'est quoi ce vieux piège? Est-ce que ça existe? Ouais, il y en a un qui n'existe pas. Ça fait 57 de suite qui existe. Je suis animateur de jeux dans des centres de loisirs. Et là, j'en profite. Blanche pute. Est-ce Blanche qu'il y a un pute. Rapport avec Blanche-Neige? Oui, c'est dans un film où il y a des parodies. Elle voit des nains partout? Non, mais. Qui est un film français. Ça ressemble très. Elle voit des nains partout, le nouveau film. De... C'est un très très vieux film. Bon, je vous le dis, il s'agit de Epic Movie. En anglais, big movie en français. D'accord. Elle est jouée par Jennifer Coolidge. Et en fait, c'est les gars qui ont fait Spartatouille, entre autres, mais Spartans. Ils font que des films parodies. Mort-moi sans hésitation, parodie de Twilight, voilà. Et pour la petite anecdote qui est un peu drôle, enfin drôle, je sais pas, mais si vous voulez vous ouvrir un peu culturellement, donc c'est un film effectivement très vulgaire, très gras, très grossier. Si vous le téléchargez en québécois, l'un des personnages principaux est doublé par Xavier Dolan. Donc il y a un vrai petit kiff d'entendre les pire saloperie jamais sortie par Xavier Dolan. Et voilà, je vous invite à le faire. Evelyne Chatt. Non, ça tu l'as inventé. Inspiré de Blanche Pute, il a fait mais il est une idée. De génie. Non, mais dans ma tête, ça s'enchaînait plus rapidement. Et donc, du coup, Evelyne Chatt aurait pu passer. Ben-Hur Marcel. Oui. Un truc de Jean-Yann ou quoi? C'est ça. Ouais, ouais. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ de Coluche. Oh, joli. Le roi Gros Pif Premier. Oui. En fait, les gens font pas beaucoup d'efforts pour les noms des personnages. C'est ce que je. C'est français. C'est français. C'est français. Le roi Gros Pif Premier. Ça existe du coup. Je vous mais ça doit être un truc dans le même genre que. Exactement. Déjà moins le cas. Alors qu'est-ce vous que. Vous le dis. Attends. Ok. Ah ben non, ça c'est. Ah. Oh merde. Non, bah non, vas-y. Tu serais un excellent candidat de jeu télé. T'as eu toutes les bonnes réactions. T'es enchaîné. Ça vient de vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ah putain, et c'est Coluche qui le joue. Eh bah tu vois, j'ai failli le dire. Eh bah écoute, tu vois, et je me suis dit, bah non, je suis con putain. Un personnage qui s'appelle tout simplement. Je nique Mesmer, je te pisse dessus, d'accord. Baisse les yeux, Mesmer. Mesmer, calme-toi. Baisse les yeux quand tu m'hypnoses. un personnage qui s'appelle uniquement Levrette. Ouais. Moi je suis plein d'espoir. Il y a une envie dans ton œil. Tu veux ce personnage? S'il n'existe pas, il sera dans un de tes sketchs en noir et blanc bientôt, quoi. est-ce que je vais commencer avec un petit genre panne de bas en haut. C'est une mise en scène. Écoutez, voilà. Vous non, critiquez pas bref parce qu'il y a un montage rapide. Bah moi, il y a un petit panneau de en bas. Non, levrette. Donc oui ou oui. Oui, ça existe. Ok, levrette. C'est français. Il faut différencier levrette du faux. Oh. Oh. Juste un. Juste applause, un. Applause de golf. Oh, de... oui. Et des petits claquements de doigts. Et des M&M's. Et un très lointain. Levrette, un film français, tu dis? Français. Récent. Années 90. 90. Levrette. Un film avec des gitans. Ouais, clairement sous le sein. Ah, les démons de Jésus. Les démons de Jésus. Exactement. What? Elle est jouée par Marie Trintignant. Putain, mais et on s'empêchera. Il est génial ce film. Oui, il est très drôle. C'est génial ce film. Enfin, moi, j'en ai un très bon souvenir en tout cas. Il y a Elie Semoun dedans. Il y a José Garcia. José Garcia. Les démons de Jésus. Thierry, c'est Thierry. Thierry Frémont. Non, ça c'est le gars de. Si c'est lui. Thierry Frémont. Ah oui, c'est Thierry Frémont. Thierry Frémont. Cannes, c'est Thierry Frémont, l'acteur, ouais. C'est ça. Voilà. On enchaîne les Nibards. Mais c'est... Oui, mais oui. Non, ça non, c'est non, non, mais non, mais non. Après le levrette, les Nibards. Ça existe. Ah, Lenny Bar. Ah, mais si. Lenny Bar. Putain, c'est un film récent, non? C'est un bon film. C'est récent. Moi j'aime beaucoup ce film. Ah putain, si, on va trouver ça. Lenny Bar. Déjà, c'est deux informations très différentes. C'est un bon film, j'ai beaucoup aimé. C'est, oui. C'est un bon film. C'est assez récent, moi. Non? C'est assez récent. Ah ouais. Lenny Bar. Dans le casting, il y a un mec qui n'hésite pas à rire de son image. Mais... Hugh Jackman? Non, c'est. Donc c'est Guillaume Canet, c'est Narco? Narco, exactement. Et c'est Benoît Poulvorde. Ouais, Lenny Bar. Fan de Van Damme. De Van Damme, oui. Lenny Bar. Il y a Van Damme dedans, putain. Il y a Van Damme dans le film. Dans le film, bah, c'est un spoil que tu viens de faire. Mais bon. Ouais, bah on peut spoiler des films qui sont sortis il y a 10 ans, ça va. Calme-toi. Niquez-vous. Il y a des gens qui m'ont dit que je leur ai spoilé Friends. Allez voir Mesmer, bordel, si vous n'êtes pas content. Faites-vous effacer la mémoire par Mesmer. Ah bah oui, et il vous fera bien faire la poule. Ouais. Et la levrette. Et la... Alan Nul. Chiasse. Non, tu l'as. T'es trop content, tu rigoles. Non. Alan Chiasse. Ça ressemble à un personnage de Galifianakis, non? Tu l'as inventé. Je l'ai pas inventé. Oh merde. Alan Chiasse. Film américain. Galifianakis, mais... Film français. Alan Chiasse. Un film à la chiasse. Attends, film récent. Avec film José Garcia. Récent. Pas José Garcia. Alan mais Chiasse. Mais il y a des acteurs très connus. C'est un film pas connu avec des acteurs très connus. C'est toujours bon signe, ça. C'est toujours bon une comédie française, quoi. Comédie, ouais. C'est pas ce... Il y a Elie Semoun dedans. Non. Donne des indices, peut-être. Clavier. Il y a Jean-Pierre Marielle dedans. Ouais. C'est pas lui. Les acteurs. Il ne joue pas Alan Chiasse, mais il est dans le film. C'est pas les acteurs. C'est pas les acteurs de Blié. Il y a putain. Il y a Jean-Pierre Marielle. Jean-Pierre dans Marielle. Un film récent. Tu veux que je dise un nouveau nom? Ouais. Il y a Vanessa Paradis. Ouais. Ah oui, la pétroleuse là, c'est pas ça? C'est un truc comme ça. Mais oui, c'est avec Poulvord aussi. Poulvord joue Alan Chiasse, un impresario. Les frères Poirot. Les frères Poirot. Tout est vrai dans ce que je vous dis. C'est Atomic Circus. Atomic Circus. Le retour de James Bataille, qui est un film comique série B d'horreur débile. Okay. Et Vanessa Paradis. Vanessa Paradis chante dedans. Elle joue le personnage de Concha. Mais et tout est basé sur la chiasse. Non, ça n'a... Alors si d'ailleurs, il a la chiasse à un moment. Non, mais elle s'appelle Chia la meuf. Concha, oui. Et Benoît Poulvord joue le personnage d'Alan Chiasse. Mais je peux vous dire que Benoît Poulvord qui entre dans une pièce, qui fait bonjour, je m'appelle Chiasse, Alan Chiasse, je suis impresario, ça marche. ça m'a vendu le film là. Mais donc il a enchaîné dans sa carrière Lenny Bar et Alan Chiasse. Ouais, voilà, comme et quoi. Nous on a tous des idées et on écrit et on se dit on n'arrive pas à les faire produire. Alors qu'il suffit de trouver Benoît Poulvord qui peut dire j'achète, j'adore. Ou d'aller chez TF1 vidéo. Tu dois juste trouver un nom comique à Benoît Poulvord. Bonjour, je suis. Non mais en plus Atomic Circus est très comment dire, il est attachant parce qu'il est vraiment fait avec trois fois rien malgré le casting et ça rend le truc un peu attachant. André Bourse Vide. Ça doit être un oui, c'est dans le Robin des Bois de truc. Bah est-ce que c'est pas un Robin des Bois déjà, est-ce que oui, c'est vrai, ça existe? C'est le principe du jeu ça. Moi je dis que ça n'existe pas Bourse Vide. Ça n'existe pas. Ah. Il vient d'un film que j'ai inventé qui s'appelle Prends donc un peu de purée. Comédie française qui a bien marché. T'es très légume, hein. Ah, j'adore. Bah, je fais des comédies françaises, écoute. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas dans ton film une histoire de gens que tout sépare? En tout cas, si mais... je peux. Mais. En tout cas, on parle un peu de sujets de société, mais on en rit. C'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'on a des différences, mais on sait s'en amuser. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, je suis désolé. Dan va pouvoir aller faire sa sieste et être en forme ce soir. Le bébé cadom. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup, Anthony. Merci, Anthony, d'être venu. Merci à toi. Merci, Dan, d'être venu. Bon, écoutez, en tout cas, merci à tous. À très bientôt et au revoir. À la prochaine. Tu me réinvites quand tu veux. Mais je ne me suis pas présenté. Chias, Alan Chias.